Retro Noodle. Hey! Salut tout le monde et bienvenue à ce 20e épisode de Retro Nouveau. Dans un super local malade, ça va bien. Yes! Ça va ça, ultra bien. C'est le fun que ça tombe le 20e dans le nouveau local. Hein? Tu sais, ça souligne comme un genre d'événement. C'était un milestone. C'était un milestone. Ouais. Fait que là, ceux-là qui regardent là, dans la caméra, là, vous voyez là ici, là, on a un mur d'arcade en arrière des gars. On va mettre trois angles juste pour vous, d'ailleurs. Ah oui, rajoute des angles, Jeff. Voilà. Ah ben c'est bon ça. Fait qu'on les voit bien dans l'autre caméra là. L'autre bord en arrière de moi puis Nick, on a... 4 télés avec une dizaine de consoles de branchées. Fait que 10 consoles, 10 arcades. C'est malade. Puis c'est vraiment incroyable. On a des belles tables en bois, hein, oui, les gars. C'est vraiment c'est beau. Gros upgrade, tu sais. Sérieux, ça fait toute la différence de notre table en plastique du Canadian Tire. D'ailleurs, elle est à vendre, papacassette.com. Si, hey, y a-tu quelqu'un qui va acheter la table puis les chaises que Retro Nouveau faisait des émissions dessus? Hey, les vend pas cher. On peut la signer avant de la vendre. Hey, oui, on les sait. On devrait les signer. Fait que c'est ça, nos nouvelles tables en bois sont vraiment confortables. Sont vraiment magnifiques. Ouais, tout est confortable. Ouais, tu sais, moi je me sens. On aurait dû s'habiller plus propre, tu sais. Ouais. Ça a l'air. Ouais, mais toi, t'es tout le temps propre. Ouais, hein, avoir un t-shirt. T'as tout le temps une chemise ou un débardeur. Une petite cravate, là, quelque chose. Un autre papillon. Le mot débardeur. C'est hot, un débardeur. J'en ai des débardeurs. Ben, c'est sûr, t'en as. Je pas mis aujourd'hui, mais. Débardeur puis gilet aussi. Il y a beaucoup de monde qui dit gilet. Ouais, j'aime bien. Gaminet, c'est un petit peu underrated. On devrait ramener le mot gaminet, je pense. C'est hot, le t-shirt, un gaminet. Ouais, t'as un t-shirt. Ouais. Quand tu parles du bon français, tu dis ça. Là. Ah ouais. Comme j'aille ça, le monde qui dit des espadrilles. Des espadrilles. Ah, moi, je disais tout le temps ça. Là. Ça hey, des jeune. Espadrilles. Il y a même tes espadrilles. Ouais. Mais ouais, Crime, on est dans le nouveau local Arcade Montréal, Retro Gaming. Explique on ça. On a même enlevé le nom de la page. C'était Arcade Retro Gaming Montréal. Ouais. C'était générique. Puis là, on voulait juste mettre le plus de mots-clés possible. Puis là, tu sais, vu qu'on n'est pas un vrai bar, une vraie entreprise, ouais. C'est pour ça qu'on avait fait ça. Puis là, avec Éric Hébert, on cherchait un bon hashtag, tu sais, pour comme hashtaguer facilement sur Twitter puis partout les soirées puis ce qui se passait. Fait qu'on on s'est dit Arcade MTL. Lui, il m'a, tu sais, ça fait big. Là, il m'a dit, Eric, man, sur Internet, it's all about the land grab. Fait que, pas peur de t'afficher comme étant le plus big. Fait que c'est ça qu'on fait. Puis on a décidé de changer le nom de la page pour Arcade MTL aussi. Puis c'est là qu'on a appris aussi que tu peux ne faire ça qu'une fois. Oh, oui, sinon tu perds tes followers. C'est vrai. Sinon tu pars une page. Fait que trompe-toi pas, tu sais, dans l'orthographe, whatever, tu sais, c'est terminé après ça. Ouais. Donc, c'est ça. On a fait ça, puis that's it. On a travaillé. Ça fait un bout qu'on travaille sur le local ici. D'ailleurs, je veux remercier les troopers qui sont venus, Nick Chalifou, Étienne Cormier, Rick Hébert, Jean-Tam Millette qui est venu comme poser le lavabo, Pascal Demers qui est venu peinturer, Mario aussi. Mario est venu. Man, il y a tellement eu de monde, là, tu sais, ça a été super bien avec toute l'aide qu'on a eue. C'est très, très, très apprécié. Fait que là, c'est ça, on a 10 machines, il y a encore de la place en rentrée ici. On a de l'espace, c'est grand, on est bien. Oui. Puis la première soirée a lieu dans 2 jours. Oui. Puis on est rendu à stresser. Je suis stressé, on a comme 250 personnes qui veulent venir. Là, man, je capote, hostie. Les pompiers vont être ici, là. C'est ça. Mais je pense pas qu'il y ait de la place pour plus que 100 personnes, là, physiquement. Ici, fait que j'ai mis un message sur la page de l'événement pour dire au monde, tu sais, si vous voulez venir une autre fois, tu sais, il n'y a pas de problème. Là, c'est ouvert pour l'année, ça, ici, tu sais. Parce que je me dis, si quelqu'un part de Laval avec son SPAC, tu sais, qui veut venir jouer à un SPAC Man, il pourra pas, là, si on est trop, tu sais. Fait que, en tout cas, les gens sont avertis. C'est super cool de voir, tu sais. On n'a rien fait. Des fois, on fait un petit peu de pub Facebook, tu sais, pour essayer d'aller avoir plus de reach. Là, j'ai juste publié ça pendant la game du Canadien, en 2 périodes dimanche soir. Puis en 2 jours, man, 250 personnes qui veulent venir, man, je capote. Ben moi, c'est fort parce que je me dis, tu fais de quoi de correct? Parce que il y a du monde à qui j'ai jamais parlé ni de toi, ni de moi, ni de Rétro Nouveau, whatever, qui me parle de ça. Ah ouais? Hey Bruno, tu vas-tu aller, là? Il y a un gars qui organise un arcade, une nouvelle arcade à Montréal. C'est fou, comme, aïe, aïe! Là, je dis, de quoi tu parles? Puis il monte la page, puis il fait comme, ah, t'as like déjà la page, mais c'est parce que je trouve ça écœurant. Je me dis, tu sais, vous faites quelque chose de correct, toi, puis faut pas oublier Martin Hébert, qui est ton partner. Mais tu sais, vous faites quelque chose de correct, c'est certain, parce que pour devenir aussi connu en si peu de temps, c'est pas juste à cause de Papa Cassette ou à cause de Rétro Nouveau. Vous avez vraiment fait des affaires comme du monde. Rétro Nouveau a aidé comme à lancer. Ben, il m'a fait connaître d'une certaine façon. Ouais. Puis Papa Cassette s'est bien existé. Puis il y a beaucoup de troopers qui viennent aux soirées ici qui sont des gens qui écoutent Rétro Nouveau. Ouais. Alexandre Morancy en est un bon exemple. Et puis, Ellie, tu sais, oui. Des gars de même, là, dans le fond. Fait que Rétro Nouveau aide beaucoup. Oui. La vente de jeux aide beaucoup aussi parce qu'il n'y a pas une grande offre, tu sais, à Montréal. Non, fait c'est que, ça. Puis là, j'en ai de plus en plus aussi. Fait que tout ça, je pense qu'il y avait une offre, mais tu sais, on s'entend, c'est des revendeurs de pawn shop puis de ouais, monde, ça, c'est encore là, très t'sais. Cher. Fait que, moi j'ai ouais. moi souvent tu sais je regarde quand même tu sais c'est quoi les prix aux alentours tout ça. Mm-hmm. J'achète du Game Boy Advance puis je suis comme tu restes quand même la personne qui vend pas mal le moins cher. Ouais. À part si tu t'en vas chercher ça sur eBay puis que tu vas payer ton shipping, tout ça, mais encore là, le prix est compétitif. Ben, on essaye toujours, tu sais, puis là, on a augmenté nos prix parce que le marché augmente, tu sais, à un moment donné. Ouais. Mais on vendait façon, contrat 25$ il y a même pas un an, puis à cette heure, il est rendu à 40$, tu sais. Ouais. En même temps, bon, faut suivre, là, parce que c'est les autres boutiques. Là, le Mercado, il est venu deux fois m'acheter du stock, moi, là, ici, là, pour okay. le revendre dans sa boutique, là, tu sais. Wow. Okay. Je reste. Puis il y a du monde qui m'a un magazine steady au Mercado, là, tu sais, oui. des places de main. Il y a plein de revendeurs qui faisaient le plein ici, donc. M'emmener, faut penser à juste là. Ben quand oui. le jeu il part d'ici, il est plus supposé rester une marge, tu sais, de profit. Là, si nous autres on veut être rentable, fait que c'est ça. T'sais, on augmente un peu, mais on essaye de rester. Tu sais, on négocie des fois. Pis c'est bien correct. Ben oui. C'est bien friendly. Les gens quand ils arrivent ici, là, sont pas stressés, man. Ils checkent dans les étagères, puis ils font comme chez vous. Exact. Ils restent pas trop longtemps. Je travaille. Mais c'est ça. Fait que tout ça, man, est fantastique. C'est très cool ce qui prochaine vous arrive. Soirée jeudi, on va voir. À partir de là, comment ça se passe. Puis notre objectif, ça serait d'essayer d'avoir 4 sous à tous les jeudis, tout le temps. Oui. Si on peut avoir, mettons, 40 personnes, quelque chose de même, ça serait bien. Oui. Si jamais il se met à avoir trop de monde, comme on dit n'importe quoi, 100 personnes à chaque événement, oui. mais là, on va peut-être réinstaurer un système de. D'inscription ouais. pour essayer de plafonner ça à 50, pas plus, parce qu'en même temps, on veut pas gérer un zoo. Là, on fait ça pour le fun. Pis ouais. c'est pas parce aussi, quand il y a trop de monde, tu attends longtemps aux machines, tu n'as pas la pleine expérience. Puis moi-même, je joue même pas parce que je passe mon temps à côté de la porte à accueillir le monde, pis ouais. à collecter, puis à jaser. Puis là, je trade des jeux aussi. Je travaille tellement c'est pendant la job soirée, quand même. Que, ouais. Comme je game à partir de 10h30. Là, ouais. fait que, c'est pour ça que j'ai pas ben de high score au ouais. tableau. Je l'ai fait sur l'heure du midi pendant la job, là, tu sais. Fait que c'est ça. Puis c'est une arcade privée, là, ici. Fait ouais. que c'est pas un bar, là, sur le coin de la rue non plus. On n'a pas comme des bouncers qui peuvent sortir le monde si jamais la marde pogne. Tu sais, ouais. S'il y a 200 personnes ici, là, puis que quelqu'un décide de tout péter, là, tu sais, ça sera pas drôle, là. Fait non, que, c'est ça. Tu peux pas contrôler ça, là. Exact. Fait que c'est ça. Ben, c'est mais, génial. Ça, on va voir, man. On va s'ajuster, puis ben, oui. on va garder ça bien le fun. Fait en tout cas, félicitations. C'est tellement ouais. beau, là. Vraiment beaucoup, une belle ça, réussite. Ça a été beaucoup de travail. Puis là, maintenant, tu sais, je dois le dire en onde, je reconnais maintenant pourquoi mon poster de Street Fighter ne fitait pas dans le décor futur. Tu sais. Non, mais c'était pas de la bouche. À vous. Hein, ouais, maintenant que tu vois la vision, là, hey, c'est beau, là, les posters qu'il y a sur le mur. Là, ouais, puis ouais. On décrira pas tout, parce qu'il faut quand même non, garder la surprise pour les gens qui vont venir. Ben, ceux-là qui regardent le podcast présentement, ils voient comme un hint. Ben, ceux-là qui n'ont pas vu les photos encore, là. Mais là, il y a des cochonneries un peu partout, là, mais en tout cas, ça, vous le voyez pas. C'est un endroit de rêve que vous avez créé. Ah, c'est là. Vraiment c'est hot, vraiment je le réalise même pas sérieux, encore moi-même. Là. Je travaille ici à tous les non, jours. Non, c'est ça. C'est comme, wow! Mais... Non, je t'ai vu, je suis rentré, t'as l'air d'un gars dépassé un peu par les événements. Ben, c'est ma deuxième semaine que je travaille ici. Puis avant ça, j'étais ici le soir, puis les fins de semaine à peinturer, puis à ouais. passer le shop vac, hostie, puis à comme, découper, puis à aller faire des hosties de commission au Home Depot, puis à venir stresser, retourner à la maison vite les enfants. Tu sais, j'ai comme tellement là, d'affaires à gérer avec tout ça. Ah oui. Fait que voilà. C'est beaucoup de travail, mais ça va payer. Puis je remercie Martin, mon partner, qui a vraiment fait un travail, lui, avec incroyable. On travaille fort, puis on s'entend bien. On a un bon. Une bonne chimie, tu sais. Oui. On est des bons partners de business. C'est cool de voir que c'est des efforts qui sont pas mis dans le vide en plus. Il y a vraiment quelque chose qui a abouti de votre projet, puis c'est très cool de voir ça. Là. Même moi, je capote en ce moment. C'est dur, hein? Tout le monde est un peu excité en ce moment. Là. Ouais. C'est ça. On est fébrile. Il y a deux ans, je voulais tellement un local, tu sais, comme juste un local. On a vu ta photo que tu avais mis 2013, 2014, 2015. Ouais. C'est la méchante évolution. Un garde-robe. Ben, même pas, c'était un mini entrepôt. C'était vraiment un garde-robe. C'était bien, là. Puis, tu sais, notre autre place avant, c'était cool, mais c'était un 1,5, là, tu sais, c'était résidentiel. Puis, ouais. Tu sais, le monde, il venait, puis tout, puis il tripait, puis tu sais, ah, c'est donc bien hot ici. Fait que là, moi, j'étais comme, yeah, tu sais, all right. Puis, mais ici, tu sais, c'est comme autre chose. C'est VIP, là, tu sais. Comme tu disais, tu sais, c'est un quartier quand même assez crade, tu sais. Il y a des prostituées au coin de la rue ici présentement, là, tu sais. Mais tu rentres dans le building, c'est en train de se faire rénover. Il y a des fils électriques, là, en haut, partout, tu sais. Tu suis les petites pancartes, t'arrives. Là, oh, OK, c'est comme... c'est clandestin. Ouais, c'est, ouais, c'est mais comme, les toilettes c'est un secret sont, gardé. Sont neuves. Tu dis, moi, tu rentres une bâtisse, tout est un peu, justement, ancien entrepôt ou usine, tu sais. C'est ça. Tu arrives là, mais... T'as des bouts de mur neufs. Tout est. C'est du vieux, du nouveau. C'est ça. Rétro-nouveau. Oh! Mais c'était pas prévu. Mais ça donne un super beau mix. T'sais. Ça donne genre. C'est une affaire de loft, de gorriche. C'est genre. Ouais. C'est comme célibataire riche. T'sais. Ouais, ben ici, il y a beaucoup de start-up. Puis des petites business, des micro-entreprises, des affaires de même qui se lancent. Ici, juste au-dessus, il y a l'émission de Sébastien Diaz. Formule Diaz qui est tournée, tu sais. Fait que c'est ça, c'est dans des places. Parce que le loyer est pas cher, puis t'en as pour ton argent, tu sais. En fait, quand tu pimpes un peu à la place, t'en as beaucoup pour ton argent. Fait que c'est pour ça qu'on est ici, là, tu sais. Ça me coûte juste genre 200$ de plus par mois là, qu'à mon autre place là, pour c'est fou, pareil, plus que le double la superficie. Oh, ouais, là, juste plus, vraiment plus de cachet. Là, oh, ouais, c'est ça, tout le cachet, les poutres, le plafond qui est haut. Là, donc, le mur de briques, là, c'est comme moi. Ben oui, ça, Ben, on capotait. C'est très beau. As-tu vu mon vinyle de Pac-Man Fever là, au mur? Là, ah, ok, c'est un vinyle. C'est un vinyle. Je sais pas c'était quoi, je pensais que c'était. C'est un vrai hit disco, man, des années 80. Ouais. Ah, c'est écœurant. Fait que c'est ça. All right. Donc, suivez Arcade MTL sur Facebook. Puis vous allez voir tous les développements. Puis bon, je continue de poster tout ça sur Papa Cassette sur Facebook aussi. Yes. Yes. All right. Avant d'enchaîner, je voulais juste dire merci à Simon Parenteau qui nous a fait un petit don. Oui. Un beau petit don gentil aujourd'hui, direct avant de partir. C'est il a fait génial, ça avant de souper, je pense. Eh oui. Fait que on le salue. Ouais. Merci beaucoup. Salut, man. Merci. On salue l'homme. On remercie la légende. Des dons. Ça fait longtemps qu'on n'avait pas eu. Ouais, c'est vrai que ça faisait longtemps. Ça nous aide, ça nous aide. On va avoir besoin de nouvelles caméras parce que là, on a une belle caméra, tu sais, Hold Definition. Ouais. Les deux autres sont un petit peu plus sloppy. On les aime pareil. Ça. Mais ça serait un beau petit upgrade. Hein? Ouais, mais hein. Ça serait génial. Ça serait génial. Fait que moi, je vais enchaîner pour rappeler aux gens que le rétronouveau.ca est toujours très, très, très, très vivant. On est un podcast, mais on est un site web aussi avec beaucoup de choses. Et entre autres, dernièrement, il y a eu les critiques de Game of Thrones épisode 3. Et puis, il y a eu MLB 15 The Show. Il y a eu aussi la critique de Tower of Guns qui est apparue ce matin. Et puis, aussi, on a un top des meilleurs jeux de hockey. Ouais, collaboration fait, de GF et moi-même. Ben oui, ça surtout été, toi, je te dirais. Là, mais... on s'est balancé des idées, puis... En tout cas, c'est le fun. Il y a plein de jeux que je connaissais pas là-dedans. C'est ça. Moi, ce que j'ai eu comme commentaire, le feedback du monde, c'est un peu mon but, c'est qu'il y a du monde qui a découvert des affaires avec ça. C'est pas le top traditionnel où c'est genre 15 versions de NHL. Il y en a du NHL parce que c'est une des très grosses franchises qui font des produits de qualité. Mais j'essaie d'aller ailleurs. Il y a des affaires surprenantes. Sérieusement, je vous dis, allez voir ce site-là. Puis même pour ceux qui sont pas nécessairement des fans de jeux de sport, là-dessus, il y a des jeux qui vont vous plaire quand même. Ah, c'est cool ça. Okay. Parce que c'est un peu aussi ce qu'on essaie de faire dans le site, dans nos tops. On prend les choix de tout le monde, puis on fait un top avec ça, mais ça permet aux gens de découvrir des affaires, puis on prend pas nécessairement, genre, on va pas on va pas sur les autres sites pour voir qu'est-ce que tous les autres sites ont choisi pour faire comme, OK, eux autres, c'est le 10 meilleur, on va faire ces 10 meilleurs-là. On fait pas regarder 10 sites, faire les tops. On joue pas super safe, comme tu l'as dit. Mais c'est le fun parce que c'est le choix de l'équipe. Puis là-dedans, on découvre tout le temps des nouvelles affaires. C'est normal aussi que les gens, quand vont voir le top, vont probablement avoir le choix aussi. Ah, tout à fait. Il y a deux, trois furieux. Parce que là, on a le top Smash, t'allais-tu l'enlever? Oui, je vais le mentionner. On a fait, entre autres, un top des meilleurs jeux de Genesis aussi récemment. Ouais. Super intéressant. Ouais. On a aussi fait nos 35 meilleurs choix pour Super Smash parce que justement, Nintendo a offert de donner des suggestions pour avoir des bonhommes dans Super Smash. Ça, c'était sûr qu'il allait avoir plein de monde. Ah, la marde. Oh, mais t'as pas mis ça, t'as pas mis ça. Voyons, ces choix-là, ça se peut pas. Là, mettre ça là-dedans. Ouais, c'est ça, on essaie juste une réaction. Même moi, en lisant le top, au début, j'étais choqué. Mais au début, c'était comme eux, c'est vrai ça? J'ai reculé, j'ai dit, ouais, OK, c'est ce genre, c'est ce top-là, on va avoir du fun avec. Mais d'ailleurs, Nintendo, il avait encore ouvert, là. Tout le monde peut voter sur le site de Nintendo. Je sais pas s'ils l'ont fermé, mais pour choisir le monde, fait que tu sais, s'il y en a... Ça n'a pas le choix d'être des personnages licenciés de Nintendo. Oui, ben, c'est fait, ça. Mais là-dedans, il y en a, il y a des beaux choix, puis des... On s'entend dans l'autre Super Smash, t'avais quand même Solid Snake. Ils sont capables d'en squeeze in. Sonic est là. Des fois, peut-être un personnage de Sega. Ils ont rien qu'à sortir un nouvel amiibo, man, puis encaisser 2 milliards de dollars, puis à payer pour un nouveau personnage à une compagnie X. À quand, man, un Terry Bogart, asti? À quand? Je sais pas, ça serait cool. Là. Ça serait malade, Terry Bogart. Connais-tu Terry Bogart? Pas vraiment. Fury, man. Ah! C'est le personnage principal. C'est doux avec la casquette. Avec la grosse étoile dans le dos. Son frère, Andy Bogart. Ouais, mais son frère, on peut l'oublier. Ouais, on s'en fout, un peu. Son frère, il a les cheveux longs. Il est comme un karatégui lousse. Il n'a pas de style. Il n'a jamais utilisé l'Andy. Non, c'est ça. Terry, il prenait tout le Thunder. Là. Ben là, c'est sûr, tu vas à la face. Là-dedans, on avait un bon Starman de pro wrestling. Ouais. C'est toi qui l'as sorti, là. Je me suis dit, wow, totalement, man. Tu sais, des grosses. Wrestling, c'est Nintendo. J'étais allé voir sa page wiki. C'est pas fait par Nintendo. C'est pas eux qui l'ont développé. Ah non, OK. Ils l'ont publié. Ouais. Mais ils sont sûrement capables de ramasser tous ces bonhommes-là s'ils veulent. Ils ont les droits. Ils ont sûrement les droits sur Starman. Ça, c'est celui qui est tout mauve avec une grosse étoile dans la face. Tu sais. Il est vraiment. A winner is you. A winner is you. A winner is you. Ouais. Dans le temps, c'était genre. Ah, mais A winner is you, c'est pas dans Ring King, ça? Hey, il me semble que c'est vraiment c'est Starman, tu vois sa face. Ouais, il y a quelqu'un qui a posté, c'était des mauvaises traductions en fait. Ouais. Non, je sais c'est quoi Winner is You. Okay. Mais je pensais que c'était dans le jeu NES Ring King non. Dans Ring King, ouais. Mais je sais que dans Ring King, c'est là où est-ce qu'il y a comme le petit gars qui te suce dans un coin. Tu sais, l'image là, weird là, ils ont comme pas vu ça aller là. C'est deux rounds, là. Dans le temps que t'avais ton cœur pur d'enfant, t'as jamais vu ça, t'as dit genre... Aujourd'hui, tu regardes ça, tu dis... Non, t'as raison. Ouais, non, c'est ça. OK, c'est pro wrestling. Mais c'est parce que tu sais, l'image aussi existe avec ce personnage-là. Fait que c'est pour ça. Mais en tout cas, c'est... Il y a des beaux choix là-dedans. Ouais, des beaux choix. Il y en a des surprenants. Moi, j'ai eu bien du plaisir à lire ça, honnêtement. Ouais. Non, c'était très drôle. Ouvrez vos esprits, puis vous allez voir du fun. Oui. Puis d'ailleurs, c'est ça. Il y a toujours, évidemment, d'autres tops qui s'en viennent. Il y en a en masse. On est toujours en train d'en préparer. Puis là, d'ailleurs, on va probablement arrêter de limiter ça, mettons, à 25, je sais pas trop, justement, pour donner la chance à tous les choix qui ont été faites dans l'équipe, parce que des fois, on en a tellement, puis il y a tellement de bonnes idées qu'on veut pas enlever des choix. L'équipe grandit, tu sais, là, tu te avec 150 personnages qui ont été soumis, tu dis, bon, qu'est-ce que je fais avec ça, là? Exact. Fait que le top 1000 s'en vient. Oui, regardez ça. S'en vient. Sinon, top 1000, meilleur périphérique. La rallonge de film de Genesis. On va à la NES Max là-dedans, c'est ça? Ouais, c'est ma NES Max. Puis il y a aussi, à ne pas oublier, Matt Bennett a fait une excellente rétrospective de la série Phantasmagoria. Oui, ça, c'est intéressant, beaucoup. Ça. C'est tellement intéressant, puis c'est tellement dégueulasse, cette série-là. La fameuse scène que la fille se fait gaver. Ah oui. Ah, oh, fuck, c'est dégueulasse. Mais, moi, j'avais pas conscience qu'il y en avait... plus qu'un. Ouais, fait, j'avais joué au premier. Non plus, je pensais pas qu'il y en avait un deuxième. Fait que, ouais, c'est intéressant. C'était dans le temps, Krim, c'était dans le temps que je jouais sur PC, man. Ben oui, PC Gamer au début. J'étais là au début, dans le temps que c'était encore facile puis ça coûtait pas trop cher. J'ai lâché en cours de route. Ouais, c'est quoi le jeu qu'on a reçu cette semaine, un code, puis personne a le PC pour ouvrir ça? Oui. C'était effrayant. C'est trop, ouais, c'est trop. Oui, c'était too much, parce que c'est ça, ça devient compliqué. Là. Ouais. Ben, je dirais que le PC, il y a beaucoup d'indie là-dessus aussi, tu sais. Ouais. Puis, pas besoin d'une grosse machine. Mais c'est ça, pour ce côté-là, mm-hmm. moi, j'aimerais jouer sur PC présentement. Sauf là, je check tout ce que j'ai chez nous. Là, je check toutes mes consoles dans mon salon. Je fais comme, ouais, arrête. Là. Ouais, c'est ça. C'est un petit peu trop. Là, si je m'achète un PC là. En plus, là. Faudrait en fait que j'aille un PC à job. Comme ça, le midi, je ferais du PC gaming. Bootcamp. Hein, c'est pas fou, ça. Bootcamp. Pas fou, ça. Ah, ben oui, bootcamp. Colin. Manger en 5 minutes devant son ordi. Aimer 55 minutes. C'est tellement moi, ça. Ouais. C'est ça. Je fais exactement ça. Là. Présentement, je joue à Tales of Arts R sur Vita. Puis, c'est un RPG. Fait que c'est long. Ouais. C'est très long. Tu fais-tu des shakes sur l'heure du midi au lieu de manger? C'est ça. Un shake de protéines. Puis, En fait, j'achète un combo au Subway, puis je mets ça en shake. Blender. C'est un Magic Bullet à Jack. C'est le cœur qui fait le liquide de l'affaire. Barks. Fait que sur ça, on va commencer en critique. Yes. Avec un Christy de gros jeu. Oui. Nick. Ouais. Fait que, take it away. Moi, j'ai joué à Xenoblade Chronicles 3D. Yes. C'est la même affaire que... Ça s'appelle vraiment... ça s'appelle, hein? 3D, c'est okay. La petite twist, parce que, de grosso modo, ça, ouais, on peut le montrer à l'écran, c'est pour la Nintendo New 3DS. Donc, ça, c'est vraiment important. Là. Si vous avez une 3DS originale, une 2DS, vous ne pouvez jouer à ce jeu. Ça prend vraiment la New 3DS. Oh, ben, calice. Ouais, ouais. Fait que... Ils t'en ont fait acheter une. Ouais, c'est écrit exclusif à New 3DS. Donc, faut vraiment lire maintenant les nouveaux jeux 3DS qui vont sortir. Ça fait, pour c'est même écrit soit... Amiibo dans le coin, hein? Ouais, ça supporte l'Amiibo. Si tu veux, je peux en parler un petit deux minutes. Ouais, t'en parleras tantôt, là. Je vais rien dire, Ouais, c'est correct. Donc, grosso modo... C'est vraiment un port du jeu légendaire qui est sorti en 2012 sur la Wii, Xenoblade Chronicles. Si vous étiez un gamer qui a levé le nez en 2012 sur ce jeu-là, parce que tu dis, la Wii, c'est fini parce que c'est en 2012, puis que vous avez manqué Xenoblade Chronicles et probablement The Last Story. Je vous dis, ouais. Colin, courez chez Papa Cassette. Ouais, Papa Cassette, il n'y en a pas, malheureusement, mais il aimerait ouais, ça en avoir. Ce qui s'est passé, c'est que le jeu n'a pas été vendu à un grand nombre d'exemplaires. Il était tellement bon qu'il est rendu, c'est à peu près un 100$ minimum sur eBay en dollars US. Fait qu'on parle d'un 150, ben, 130, 140 Canadiens. Là, aïe, shipping aïe. Là, et taux de change. Fait que c'est très cher. Jeu le plus récent qui, je trouve, prend le plus de valeur ou le plus de chances d'en prendre. Rapidement, côté collectionnage, je pourrais pas te pointer un jeu de PS3 à part peut-être El Shaddai, sans joke, là, parce que t'en as parlé. J'ai vraiment l'impression qu'El Shaddai... Parce qu'il est encore à 30-40$. Je l'ai acheté en digital à 3$. Ouais, mais ça, on s'en crisse. On parle des vraies affaires, là, les jeux physiques. Tu as raison. Des jeux de même, tu sais, les Hidden Gems. Je vais vendre ma Xbox. El Shaddai, mettons, mais... Ouais. Ouais, vends ça, là. Puis, mais c'est ça, ce jeu-là, Xenoblade, man. Il prend de la... Ça, c'est le jeu que, quand il est sorti, puis qu'il n'y en avait plus en deux secondes, on s'est dit, ah ouais, OK, là, ça va coûter cher pour ceux-là qui veulent l'avoir. Fait que ce jeu-là, donc c'est ça. Grosso modo, pour vous parler un petit peu de qui a fait ce jeu-là, c'est Monolith Soft qui a fait l'original. Et le port a été fait par Monster Games. Monster Games, c'est une compagnie... du Minnesota, en fait, qui fait plusieurs parts pour Nintendo. Ils ont fait le port 3DS de Donkey Kong Country. Ils ont fait le Pilot Wing qui était sorti sur 3DS. Ouais. Si tu regardes, eux, ils ont une longue historique de ports portables de Nintendo. Puis Monolith Soft, ben, tu sais, il y en a qui connaissent peut-être la série Xeno Saga à l'époque. C'était aussi eux là, qui avaient fait ça. Okay. Ils ont fait un paquet d'autres Xeno titres. Gear. Vous irez fouiller, c'est une belle compagnie qu'on connaît pas tellement. Mais ça, c'est vraiment le gros canon. C'est un Japanese RPG orienté action. Donc, un jeu de rôle vraiment action. L'épée est tellement belle. L'épée, là. C'est devenu une de mes épées préférées. Ah, c'est Monado. Elle est incroyable. Et Monado. Monado? Là, ouais, c'est pas. C'est comme ça qu'elle s'appelle l'épée. Ouais, l'épée, as-tu une arme? C'est important que je dise pas trop d'informations dans la critique, OK? Pour pas spoiler ce jeu-là qui est merveilleux. OK. Qui a une histoire que j'ai trouvé génial, incroyable. À mon avis, tu as déjà spoilé par ton silence, mais... Non, mais je veux dire, je vais pas donner trop d'informations, mais Monado, définitivement, c'est une épée spéciale, on peut savoir. Là, ouais. Dès le début du jeu, on voit un petit peu qu'est-ce qu'elle peut faire. Anyway, sur le cover, l'épée est plantée ouais, tout seul. C'est ça. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. Cette épée-là veut dire de quoi? Elle est plus spéciale. Importante que les personnages. Ouais. Là. C'est ça. Pour vous donner un peu la prémisse de c'est quoi ça, le monde de Xenoblade Chronicles, dans le fond, il y a une vieille légende antique. Il y a deux gros titans. C'est... C'était Bionis et Mekonis, qui c'était des titans qui ont commencé à s'affronter. Okay. Puis à un moment donné, ils sont comme entretués. Puis le corps de ces titans-là est devenu des planètes. Okay. Puis, donc les habitants de des planètes, finalement, sont les Mekons d'un côté et les Hommes de l'autre, qui sont sur Bionis. Okay. Donc les Mekons, c'est vraiment le les antagonistes là, du jeu là, principal. C'est des, gros, c'est des gros mecs. Vraiment, là, tu sais, le pur mec japonais qu'on adore, là, ouais. Vraiment... Ben, c'est comme le gros personnage qu'on voit sur la pochette. Là. Comme non, ça, de ça, c'est un des titans. Ouais, c'est ça. Okay. Sur la pochette, c'est un des titans. On voit des petits morceaux de Mekong qui traînent dans le pré. Là. Mais c'est vraiment... Donc, nous, on représente... tu commences le jeu... T'as une super belle cinématique puis mise en contexte, okay? C'est vraiment, vraiment bien. Ils t'introduisent vraiment le sujet. Puis ce que j'aime, la façon dont ils introduisent le jeu, t'sais, c'est comme accroché de suite. Ouais. Moi, là, dès que j'ai joué, là, les 5 premières minutes, moi, je suis pas un fan de grandes cinématiques qui finissent plus. Faut que tu puisses l'amener d'une façon vraiment intéressante. Ce jeu-là le fait parce que au début, t'as une espèce de cinématique, mais vite, ils te mettent en contexte puis tu commences à faire combattre très rapidement dans cette espèce de setting épique-là. Là, c'est vraiment, vraiment bien fait. Ensuite, fait que les mécons, c'est les méchants, puis toi, il faut que t'aies verge. Ouais, exactement. Fait que là, tu continues, tu sais. Grosso modo, à un moment donné, tu vas commencer à jouer Shulk, qui est le héros principal. Ouais. Qui est vraiment, tu sais, c'est un jeune, il fait de la recherche un peu en laboratoire. Tu sais, il recherche justement les propriétés de cette épée-là, tu sais. Puis eux restent dans la colonie 6, qui est une colonie, tu sais, qui a été déjà attaqué par les Mekons. Puis, tu sais, donc, ils sont vraiment dans une espèce de stand-by là, d'une autre attaque. Ils ne savent jamais quand tout ça peut arriver. Okay. Puis, les personnages que tu rencontres tout au long de l'histoire, tu sais, à un moment donné, on s'entend, il y a un retour des Mekons. Et là, ça commence. L'histoire est tellement bonne, elle est prenante. Comme je dis, elle est vraiment prenante. Là. Okay. Tu sais, ton personnage principal, tu t'attaches énormément. Tu vas rencontrer des gens au cours des quêtes que tu vas aussi t'attacher. Tu sais, puis l'histoire, tu sais, des fois, tu joues des jeux, mettons, certains RPG, tu dis c'est un peu cheesy, tu sais. Puis des fois, les Japanese RPG ont tendance à être un petit peu trop enfantin ou, tu sais, genre... Souvent. Ou, tu sais, encore trop ado, frêle, tu sais. Puis lui, il joue pas cette carte-là. Même si Shulk est quand même un adolescent, tu sais. Ça, c'est un classique, là. Ouais, ouais. Mais ils vont pas jouer cette carte-là vraiment, tu sais. Puis il y a des trucs avec les gens que tu rencontres qui sont... un peu des anti-héros, pas des gens normaux. Tu sais, il y a un gars, c'est un des personnages de soutien, là, tu sais. Le gars, grosso modo, c'est un hippie slash motard. Il s'appelle Dixon, OK? Tu sais, ce gars, il est comme la rue Dixon. Exactement. Plein de bière à taverne. Il a l'air de ça. Tu sais, moi, quand j'ai tellement ri, tu sais, il a une grosse moustache. Pour ceux-là qui connaissent pas Montréal, et encore moins Hochelaga, il y a la rue Dixon. C'est la taverne avec le bar Dixon. C'est un personnage. Dans le temps des Hells, parce que le bunker de Mom Boucher est pas loin d'ici. Il devait avoir plein de health. Ben, c'est ça, mais tu sais, le gars, il a un petit look de même. Puis chaque personnage, il y en a vraiment. Vous allez trouver un personnage que vous attachez plus. T'sais. Exact. Moi, j'ai bien aimé un personnage qui s'appelle Dunban. T'sais. C'est comme un. Attends, c'est-tu une française style japonaise avec un fleuret? Non. Parce que toi, tu dis que t'aimes ça pas mal. Oui, ça, j'aime ça beaucoup. C'est assez précis, ça. Hey, c'est précis en temps. C'est vrai. Mais non, pas dans ce jeu-là, mais il y a d'autres types de personnages. Le personnage que je parlais. Sexuel. Ouais. Il n'y a rien de sexuel, c'est que du jeu. Fait que, tu sais, c'est un genre de samouraï un peu, tu sais, avec un, l'esprit du samouraï, tu sais. T'as d'autres personnages. T'as un moment donné, t'as un personnage qui est comme une boule, OK? Tu sais, c'est une race que tu peux trouver, là. C'est comme une petite boule, tu sais, puis c'est un guerrier, cette affaire-là, tu sais. OK. Tu t'aperçois, tu dis, ah, c'est donc bien cute. Il y a comme 6 enfants. Tu sais, c'est comme pas pantoute de quoi il a l'air, tu sais. Puis tu vas avoir plein d'autres personnages, tu sais, genre. Et tous sont différents. T'en as qui vont jouer les rôles de plus un personnage de support. T'en as que c'est plus des tanks. Tu sais, Shulk est plus un gars qui peut faire un petit peu n'importe quoi, tu sais. Fait que là, le gameplay de ça... Ouais, c'est ça que j'allais dire, là. On n'y arrive toujours pas au gameplay. Je suis trop passionné. Ce jeu-là, j'ai vraiment, vraiment apprécié. On là, voit vous ça. Verrez plus tard. Avant d'embarquer là-dessus, c'est-tu la première ou la deuxième fois que tu y jouais? C'est la deuxième fois. OK, c'est j'ai, ça. J'ai tu passé, l'as quand même tout fait. J'ai passé 120 heures dans l'original. Je l'ai complété. J'ai fait beaucoup de side quests. Je ne l'ai pas complété à 100% parce que c'est un jeu que c'est comme 200 heures à compléter à 100%. Mais la première fois, je l'ai fini au complet. Okay. Cette fois, je ne l'ai pas encore terminé parce qu'on s'entend. Ben, je comprends quand même. Mais c'est exactement pareil, le même jeu. Là. À part les effets 3D. Ben, c'est ça. Si vous voulez, je vais parler du gameplay. Ensuite, Le gameplay, c'est bon. Le gameplay, grosso modo, si vous êtes familier avec des jeux, des MMO, en fait, RPG, comme World of Warcraft. Vous avez retrouvé des éléments. En fait, ça, c'était un des premiers, je dirais, RPG modernes d'action. Tu sais, les RPG étaient un petit peu encore pognés dans un turn-based, puis il y avait vraiment quelque chose... Lui, il avait amené quelque chose de nouveau. En 2012, il amenait quelque chose d'un peu différent. Okay. C'est très action. On doit se positionner pour faire des combats. Ouais. Puis, c'est très... Moi, j'ai vraiment aimé ça. C'est super dynamique. À un moment donné, pendant les combats, mettons, tu peux toujours avoir 3 combattants en jeu sur le même, en même temps. Puis, tu peux créer des liens. Puis, à un moment donné, tu as comme une attaque. Tu peux faire des combos, si on veut. Et là, tu sais, c'est la seule instance où ça va arrêter. Moi, je vais faire ma première attaque. Ensuite, ça va aller à Dom. Dom va faire son attaque, ça va aller à Bruno. Puis si on fait un succès, ça revient à moi. Fait que tu sais, si tu peux enchaîner toutes tes attaques, tu peux être vraiment longtemps à maganer ton ennemi. Donc c'est turn-based, là? Non, c'est pas du tout. Ben, pas turn-based, c'est juste ce moment-là. Là. C'est très long ramasser ton gauge. OK. Puis à partir du moment où il est plein, là, tu as ce combo-là spécial. OK. Mais ça, c'est très rare. Là. C'est un moment spécial. D'habitude, on le réserve pour les boss, puis tu sais, des choses comme ça. Tu vas pas faire ça tout le temps dans le jeu. Oui. Fait que c'est vraiment, vraiment intéressant. Tu sais, les combats sont dynamiques, ça bouge beaucoup. Tu peux vraiment upgrader tes armes à fond. Tu peux créer des pierres, des gemmes, en fait, toi-même, en ramassant des pièces et en les upgradant. D'habitude, j'haïs ça, ces affaires-là. C'est pas mon genre. Mais là, j'ai passé plein de temps à... Il y a comme un four où tu fais des pierres précieuses. Puis, tout dépendant, c'est une bonne interaction avec la personnage que tu fais le processus avec. Avec qui tu fais de la cuisine. Exact, c'est comme la cuisine. Oui. Ben là, tu vas avoir des résultats différents. Okay. C'est vraiment, vraiment... Moi, j'ai bien aimé... D'habitude, du crafting, ça m'intéresse pas. Ça m'a vraiment plu. Eh bien, écoute, c'est drôle que tu dises ça parce que dans Tales of Arts R, le seul RPG auquel je joue depuis des années, ben, il y a ça aussi. Mm-hmm. Dans le fond, il y a de la cuisine, puis dépendant de avec qui tu le fais... Des fois, tu vas faire une recette pour quelqu'un, puis cette personne-là l'aime pas, puis ça y fera presque aucun effet. Okay. Il va avoir une petite face comme... Ouais. Puis c'est pas son genre. Fait que, tu sais, c'est un peu le même principe. Là, ben, la différence, c'est que ce que tu vas faire dans cuisinant, tu vas cuisiner une pierre précieuse que tu mets sur tes armes, puis qui donne des vrais stats. OK. Ça, c'est intéressant. Puis moi, quand j'étais jeune, j'avais une collection de minéraux. Ouais. Fait que, tu vas te retrouver là-dedans. T'sais. Si t'aimais beaucoup le mica, ça va tout ramener. J'avais du mica, j'avais de la pyrite du Pérou. Ah, ouais. J'avais. Écoute, j'avais de l'or des fous. J'avais bien des affaires. Tu vas triper là-dessus, mon gars. Tu vas passer des heures comme moi à te faire des. Mais les pierres, l'intéressant, c'est que quand t'es combines, tu peux avoir des boosts de stats vraiment, vraiment le fun que tu mets sur tes armes. Sinon, tu sais, ce jeu-là, c'est un open world. Okay? Dans le temps, là, en 2012, sur la Wii, là, c'était complètement fou de voir comment ce jeu-là a réussi à avoir des beaux graphismes. Puis là, au niveau du port, OK, c'est pas exactement 100% la même expérience que sur la Wii. Ça doit pas, là. Parce que t'as un plus gros, petit écran. Les paysages sont fantastiques, sont très différents. Ouais. Tu sais, la musique est belle. Tu sais, c'était vraiment très inspirant au niveau de comment tout ça se déroulait. Mais là, tu dis que c'est pas pareil. Est-ce que quand t'es rendu à un certain point, ça load la prochaine section, puis tu te rends ailleurs? Oui. Tout ça, c'est un open world, mais bien fait. Okay. Mais à un moment donné, t'es comme... c'est quand tu regardes sur un 3DS, c'est pas aussi beau, mettons, que sur la Wii. Ouais. Mais t'embarques. Moi, j'ai embarqué, tu sais. Okay. Il y a 2-3 trucs comme ça au niveau du port. Comme les textes, des fois, sont un petit peu plus difficiles à lire au niveau de l'interface. Tout ça, c'est des détails, là. C'est exactement c'est des détails. C'est un grand jeu, là, que rendu tout à là, fait. Là, moi, pour moi, c'est des détails. J'ai apprécié mon expérience. Puis comme, si vous êtes un papa, OK, vous n'avez pas le temps de vous effoirer 120 heures sur le divan. Le format portable est vraiment approprié. T'sais, vous allez être capable de jouer dans le lit, dans l'autobus, c'est à la toilette, là, faites ce que vous voulez. Mais vous allez pouvoir essayer de grinder vos heures. J'avoue ça. Fait que là, il y a quand même une portion de grinding qu'on a besoin de faire. Mais avec le système de quête, il est tellement bien fait que moi, j'ai adoré ça. Je voulais grinder. Je voulais juste aller voir. Tu sais, des fois, tu rencontres un personnage spécial, il y a un nom. Ensuite, tu vas le tuer, tu vas avoir un beau, une belle surprise. Là, tu vas donner une pièce d'équipement rare. Fait que c'est vraiment, vraiment épique. T'sais, pour moi, là, c'est vraiment ce port-là. Il n'est pas 100% parfait, mais pensez un petit peu à la version, je dirais, DS de Chrono Trigger. T'sais. Ouais. T'sais, c'est le même genre. C'était pas parfait, mais je te dis, le jeu était tellement bon que finalement, c'est un jeu qui est vraiment, vraiment intéressant que vous pouvez pas passer. Ouais, exact. Moi, des fois, il faut faire des compromis aussi. Là, t'as pas le choix, c'est ça. Une des petites déceptions, c'est le 3D n'est pas ultra impressionnant, même si ça s'appelle 3D. C'est vrai que ça a été une job. T'sais, ils n'ont pas refait le jeu au complet. Non, ils ont vraiment juste mis un peu de perspective. C'est correct, elle marche, elle donne pas mal au cœur. C'est juste qu'elle n'est pas super poussée. L'autre chose que j'ai trouvé plate, c'est qu'ils ont manqué des opportunités au niveau de l'écran tactile. On l'utilise pas beaucoup. Okay. Au niveau des menus, ça a été le fun de naviguer avec ça, puis ils ont vraiment pas beaucoup d'interactions. Est-ce que tu utilises les quatre gâchettes de la New 3DS? Oui, moi tu vas utiliser les quatre. Bon. Puis la façon dont la progression est faite, au début, tu les utilises pas vraiment. Puis ce jeu-là, t'amènes tout le temps des mécaniques plus compliquées au fur et à mesure. Fait que quand tu progresses, tu découvres vraiment plus de choses. T'sais. Mais c'est bon de le savoir parce que je dis jusqu'à date, ça sert absolument à rien sur. Ouais, mais là, eux, ils l'utilisent en effet. Fait que là, tu sais, par genre, vous pouvez concevoir que ce jeu-là, j'ai trouvé ça exceptionnel. Oui. J'ai adoré la version Wii que je vous encourage fortement à vous procurer. Mais si vous voulez pas débourser 140$ pour la version Wii, ça, c'est un 45$ si vous avez la New 3DS extrêmement bien investie. Je vous dis, c'est épique. Comme RPG, c'est un jeu, tu sais, c'est un des meilleurs jeux que j'ai joué dans ma vie, là, dans le top 5. OK. Et le port, tu sais, bien qu'il y a des tout petits détails là, qui soient un petit peu agaçants, mais à un moment donné, on s'habitue. On dit, bon, on va lire du petit texte. Là. Fait que je vous dis, là, c'est un achat là, incroyable. Pour moi, ce jeu-là est tellement bon que j'ai décidé de donner la note de 5 sur 5. Wow! Une première à Rétro-Nouveau. Je fais jamais ça, mais ça, là, je vous dis, là, si vous investissez 45$, vous allez mettre... Vous pouvez mettre 200 heures et ensuite finir et rejouer la version. Mais écoute, y a le temps, le plaisir qu'on peut avoir là-dedans, l'histoire, c'est juste le open world, ça va aller chercher vraiment différents types de joueurs, puis tout le monde va trouver son compte. C'est vraiment, vraiment bon. Comme je dis, le seul truc qu'il faut savoir en achetant ce jeu-là, pour faire la quête principale, vous allez investir entre 60 et 70 heures. Okay. Ensuite, si vous voulez faire des quêtes secondaires, on parle d'une 100 à 120 heures. Ouais. Puis ensuite, ça pourrait être les completionnistes, là, on parle de peut-être 200 heures. OK. Donc, en tout cas, mais quand même, superbe jeu. Vraiment, là, une belle bouffée de fraîcheur là, dans le monde du RPG japonais qui, à un moment donné, avait besoin de ça. Fait que bien qu'il soit sorti en 2012, encore ultra pertinent pour 2015, je vous dis, sautez là-dessus si vous avez une New 3DS. Là. Si tu n'as pas de New 3DS, est-ce que tu t'achètes ça? Si vous n'avez pas de... Je te recommanderais t'achètes de la console pour ça. Moi, je dis... Ben, t'as quand même donné 5 sur 5. Ce titre-là vaut la peine. Une idée, là. Vaut la peine. T'sais, faut que t'aimes le genre. T'sais. C'est ça. Faut que t'aimes le genre. Mais si vous aimez les RPG, vous n'avez pas joué à la Wii et vous voulez essayer quelque chose d'épique, procurez-vous une New 3DS ou échangez votre vieille puis allez vous pogner une nouvelle. Ouais, c'est ça, exact. Mais c'est juste. Wow. Ça donne le goût. Voilà. All right. Hey, Dom, je te mets on the spot, puis je vais te faire faire ta critique maintenant. Ah ouais, OK. Parce que t'étais supposé de la faire après moi, mais je me dis, crime... En fait, Dom était pas supposé faire de critique parce qu'on a déplacé le podcast une semaine parce que Bruno était malade. Ouais. Ouais, mais justement, la semaine passée, j'avais pas le temps, mais là, depuis la semaine passée, j'ai joué à quelque chose. Oui. Puis là, j'étais en train de chier dans mes culottes parce que, que je short des notes, là. Voilà. Donc, je vais parler d'un jeu NES que j'ai acquis. Il est arrivé une bad luck à mon dernier événement, à mon ancien local. Oh. J'avais acheté un lot, puis là-dedans, j'avais deux jeux rares. J'avais un Snow Brothers, ça vaut à peu près 200$, et puis j'avais un Panic Restaurant qui vaut à peu près 450$. 450? Ouais. Puis là, j'ai décidé de me garder le panique restaurant pour moi. C'est de ça que je veux parler à soir. Mais je me suis fait voler mon Snow Brothers. Ouais, ça. Puis là, j'ai essayé de faire un bouquin sur Internet avec ça. Puis ça a marché. Il y a même, tu sais, comme le marché aux puces à Saint-Eustache. Puis il y a même des boutiques à Québec qui offraient le flip jeu à Québec qui offrait une rançon si quelqu'un comme tombait sur Snow Brothers parce que le label était magané en haut. Fait que, tu sais, je sais que je ne le reverrai jamais, mais je voulais juste comme faire du tapage. Tu sais, comme ça, quand je. Si un voleur potentiel, il va voir que j'ai du reach, tu sais. Puis que le gars, il a pas le choix. Il faut qu'il le garde chez eux. Il pourra jamais le vendre. Mais c'est ça. Mais c'était pas un jeu de ma collection personnelle. C'était un jeu que j'allais revendre parce que j'ai déjà Snow Brothers en parfaite condition. Fait que c'est ça. Mais c'est quand même plate, tu sais. On se fait voler comme 200 piastres. C'est vraiment poche. C'est des affaires qui arrivent. Ben, mais surtout que jusqu'à maintenant, ça t'était jamais arrivé. Exact, exact. J'ai laissé, plein de jeux de ma collection. Même au fond du c'est jamais arrivé, tu sais. Mais il y avait beaucoup de monde que je connaissais pas ce soir-là. Fait que. Ouais. C'est arrivé. Bon, ça fallait que ça arrive. On va faire attention là, dorénavant, puis on vous check, les méchants. Mais c'est ça, le gars, il a volé Snow Brothers, mais il a pas vu, ou comme il a pas osé, parce qu'il était dans un case différent, voler Panic Restaurant à côté qui vaut comme le double, tu sais. Fait que là, j'étais bien comme, est-ce que je le garde, est-ce que je le vends? Tu sais, c'est un investissement pareil, parce que même si je l'ai pas gratuit, ce jeu-là, là, tu sais, je l'ai quand même payé 350$ de ma poche, là, tu sais. J'ai décidé de le garder, tu sais, c'est une grosse pièce de collection. Oui. Puis, si vous allez me demander, est-ce que ça vaut 350$ de gameplay, 400$, ça? Oui. C'est sûr que non. Il n'y a pas un jeu vidéo qui vaut ce prix-là dans la vie, là, tu sais, au niveau du fun. Là. Ça peut pas être le fun à genre 500$. Là, bon, on peut vous montrer que ça a l'air 450$ de gameplay. Exact. 450$. Voilà. Mais, dans le fond. Hey, Dom, tu veux-tu une bière? Oui. Alright. Va nous en chercher. N'importe quoi, moi, ça fait mon affaire. Tout sauf le style de root beer. Fait que, avant de vous en parler, je vais vous dire pourquoi ça vaut cher, ce jeu-là, premièrement, parce que c'est un late release de la NES. La Super NES est sortie le 23 août 1991 en Amérique, et puis c'est un an avant que la NES soit discontinuée. Or, les jeux qui sont pour la NES qui sont sortis en 91 et 92, c'est les derniers de la NES. Puis, de cette batch-là... Excusez. Donc, un peu d'exemplaires. De cette batch-là, il y en a eu... Dans ces années-là, il y en a eu au total 152. Puis, c'est tous des jeux qui ont été produits à moins d'exemplaires en se disant, bon, ben ça finit, tu sais, on va en faire moins, puis ça vaut pas la peine. Puis, c'est ça. De ces 152-là, Taito en ont 7. Puis c'est les jeux, ils en ont une gang, ben ils ont les plus chers, dont The Flintstones, The Rescue of Dino and Hoppy. Ah non, excuse, Surprise at Dinosaur's Peak. Ça, c'est pas mal un des jeux NES qui vaut les plus chers. Et le plus cher de tout, c'est The Little Samson. Ça vaut genre 1000$, juste le cœur. Ben, ouais. C'est malade, mais c'est un très bon jeu, tu sais. Panic Restaurant en est un, Power Blade 2, les Jetsons aussi. C'est toutes des late releases de Taito. Le pire, là, tu dis ça, là. Puis je me rappelle très bien que Little Samson puis les Jetsons, je l'ai déjà vu en location. Ça, c'était tout en location aux Blockbusters, ou la plupart. Puis c'est ce qui fait qu'ils sont rares aussi, parce que ces jeux-là, il y en a beaucoup qui n'ont pas été ces tablettes. Il y avait des rental only. Okay. Fait que si en plus, puis tu sais, les clubs vidéo, ils mettaient les boîtes d'invidence ou whatever. Fait que si en plus, tu réussis à avoir une boîte des Blockbusters rental only, tu sais, ça vaut, man, ça vaut... Des milliers de dollars. Wow. Fait que voilà pourquoi Panic Restaurant vaut cher. Ben, tu sais, tous les jeux NES qui sont sortis tard, là, ils ont toute une coche de plus, là, côté valeur. C'est ça, je regardais aussi. Souvent, au niveau qualité de jeu. Bubble 2, tu sais... Ça vaut cher, Bubble 2? Oui, ça vaut cher, précisément, je pourrais pas te dire. OK, mais une coupe de sang, là, tu sais. Mais tu sais, au niveau des palettes de couleurs de ces jeux-là, on dirait qu'il avait trouvé une façon là, d'aller chercher vraiment plus de richesse. Ouais. Graphiquement, ils sont toujours plus beaux. Ouais, c'est je te dirais qu'un Castlevania 3 a accompli beaucoup plus, mettons, qu'un Panic Restaurant visuellement. Mais c'est clair que ces jeux-là, ils sont vraiment... Ça n'a rien à voir avec les premiers jeux de NES. Non, c'est là, ça, t'sais. Ouais. C'est pas Working Crew, mettons. Wrecking Crew, non, Wrecking Crew. On est loin là, des blacks de ces jeux-là. Fait que voilà, man. Je vais vous en parler. Dans le fond, c'est un Panic Restaurant, c'est un platformer. T'es un petit cuisinier qui s'appelle. Comment il s'appelle? Cookie. Nom de danseuse, ça n'a aucun rapport. Et puis, dans le fond, il y a un chef rival qui s'appelle Odove. O-H-D-O-V-E. Odove. Puis ça, c'est drôle parce que c'est une mauvaise traduction du français hors d'œuvre vers le japonais et qui revient à l'anglais. Hors d'œuvre! Ça a quand même traversé deux langues, c'est venu, puis ça s'appelle hors d'œuvre. Hors d'œuvre, hors d'œuvre. C'est malade. Fait que là, cet hostie-là, il décide de mettre une curse sur ton restaurant. Puis toi, dans le fond, faut que tu fasses les 6 niveaux à travers ton restaurant puis aller péter au dove à la fin. OK. Il est vraiment pas gentil. Puis tu te fais attaquer par des légumes. Tu te fais attaquer par des pizzas qui roulent, des saucisses qui te sautent dessus, des carottes qui popent. Puis tous les niveaux, bon, là, t'étais comme dans la salle à manger. Après ça, t'es dans le fridge. Après ça, t'es comme dans un... J'ai pas trop compris le dernier niveau. C'est comme un égout où il y a de l'eau... ou du lait, je sais pas, man. C'est tough, la restauration. Ah ouais, c'est tough. C'est-tu comme l'enfant de Burger Time et Mega Man? Ben, ça pourrait... Oui, c'est ça. Ça ressemble à ça. Mais le thème est très Burger Time. Hein. Tu sais, c'est des saucisses, puis c'est de la bouffe qui t'attaque, tu sais. Puis toi, tu te défends à grands coups de poils à frire. T'as des power-up aussi. C'est une grosse cuillère. Aussi, tu peux avoir le power-up de lancer des assiettes. Là, regardez l'écran présentement. Ça, c'est l'invincibilité. T'as une grosse casserole sur la tête. Certains s'aventureront à dire un wok. Et puis, tu vires sur toi-même et t'es invincible. Là, tu vois, il fait le pogo avec une fourchette. Là, ben là tu peux sauter sur la tête. Mais là, je vous dirais que... Cocktails, effectivement, avec la canne. Mais ça va vraiment mal, là, par exemple. Je vous conseille de jamais prendre ce power-up-là. Fait que c'est ça. Puis est-ce que mais en même temps, tu te retrouves comme un petit personnage devant des grosses pommes, tu sais, grosses comme toi, dans un univers qui est comme semi-proportionnel, là, tu sais. Là, t'as un boss, là, présentement, c'est un micro-ondes avec des poulets qui rentrent dedans. Puis là, le micro-ondes, il essaie de te sauter dessus, à un moment donné, les portes ouvrent, puis te garoche des poulets, là, tu sais. C'est un petit peu n'importe quoi. Wow. Donc, je vous dirais, les proportions dans le jeu-là, ça marche pas. C'est n'importe quoi. Le designer graphiste en toi... C'est pas le genre d'affaire qui me dérange, mais c'est juste comique, tu sais. Ça fait aucun fucking sens, là. Faut vraiment un remake next Rescue Rangers. T'es un écureuil. Ouais. Quand t'es dans la cuisine, OK, les robinets sont gros, les chaudrons sont gros, là, tu comprends. Mais là, t'es un cuisinier. T'es pas supposé être plus petit que la nature, tu sais. Puis la sélection des niveaux se fait dans un menu de restaurant, c'est cool, ça. Ouais, ça, c'est joli. Entre les niveaux, t'as une espèce de système de slot machine, là, parce que tu ramasses des scènes pendant que tu joues. On s'en crisse pas mal. Ça sert pas à grand-chose. Tu gagnes, tu perds, mais tu sais. On dirait que c'était populaire de mettre des systèmes de même entre les niveaux. Ben, les slot machines étaient très populaires dans les jeunesses. Exact. Il y en avait souvent, dans Snow Brothers, Mario justement. Oui, dans Mario 2. Oui. Yonoi, le concours de mangeage de pizza. Il y avait tout le temps un système de jeu entre les... Tu sais, comme s'il fallait tout le temps gambler. Ouais. Puis, c'est ça. Donc, tu sais, au niveau, mettons, musique, je n'ai pas retenu rien de spécial, à part la musique des boss que j'ai trouvé quand même assez épique. Le gameplay il est bon, tu sais, c'est un bon platformer, mais c'est très très très facile, tu sais, tu finis ça rapidement. Pas là, très compliqué, là. Ah non, c'est pas compliqué. Le seul moment qui m'a fait rusher dans ce jeu là, tu sais, toutes les boss, je les pétais du premier coup là. OK. C'est assez facile, mais le boss de fin, j'ai tellement recommencé là. Parce que là, tu voles dans les airs, dans une casserole, puis lui aussi. Puis il faut que tu tires des œufs sur sa balloune pour qu'il tombe. Puis comme la physique là, me fuckait. Puis il regonfle son ballon. En tout cas, j'étais dans une misère. C'était crissement tough. Puis dans le dernier niveau, il y a des frites aussi qui te garochent. Des casseaux de frites qui te garochent des frites. T'sais. Ça, c'était pas mal l'ennemi le plus tough du jeu. Mais dans l'ensemble, c'est super simple, super facile. T'sais. Ce jeu-là aurait pu être vraiment beaucoup, beaucoup plus. Il y a des niveaux bonus aussi à un moment donné. Tu vois comme une échelle qui dépasse du top. Fait que tu t'accroches dedans. Okay. Tu montes dans un niveau bonus. Ou est-ce qu'il faut que tu pognes des œufs, des oiseaux qui lancent. Ou des affaires de main, des poissons qui sortent de l'eau. Faut que tu pognes les poissons, pas les bombes. C'est mais c'est pas encore une fois rien pour écrire à sa mère. Mais vraiment avoir des éléments de plusieurs jeux de combiner ensemble dans celui-là. Là. Ouais, exact. Le bonbon de Bubble Bubble. Ouais, une petite influence Megaman aussi. Mais est-ce que moi ce que je trouve de bizarre. Moi ça me fait penser à Kid Dracula aussi un peu. Ouais. Ben le sprite il est gros. Il est gros, c'est ça. C'est un gros sprite. C'est ça qui fait la différence. Là. Le chef, il est très cartoony puis tu le vois très très bien. Toutes j'adore les ennemis l'illustration sont du chef. Ouais, il marche un petit peu. C'est japonais. L'animation est un peu à l'air dérangeante au niveau du gameplay. Non, ça va pas déranger. D'ailleurs, il y a bien des places où est-ce que tu te mets sur le coin. Faut que tu te mettes sur le coin d'une plateforme très, très, très précisément pour être capable de sauter dans un petit espace. Okay. Puis on réussit à bien le faire, là, tu sais. Okay. Fait que okay. Ça, c'est... Non, le gameplay est correct. Là. C'est pas brisé ni rien. C'est très, très bon. Très bien fait. Donc, c'est ça, man. C'est un jeu très facile, très court, ouais. Très cher. Donc, tu sais, si vous n'êtes pas collectionneur, tu sais, laissez faire ça pour toujours. Mais je comprends pas pourquoi ils sortent ça. C'est à cause que c'est rare? Ben, comme je disais au début, pendant que tu es parti chercher à ouais, bien. Ouais, désolé, j'étais parti chercher à bien. C'est un late release okay. de Taito fait à, comme la Super NES est sortie quand ça c'est sorti. Fait que okay, okay, presque, il y a presque pas eu de print de jeu, oh, oui. Puis presque personne en a acheté. Fait que c'est si, bon. En gros, c'est ça, tu sais. Fait que c'est pas un jeu brisé, un jeu de Taito. Par contre. Là, non, tu sais, quelqu'un qui achetait ça dans le temps, il était satisfait, là, mais il ouais. pensait ça vite. Ouais. Mais il était satisfait. Il était satisfait, bon mais jeu. Il rêvait d'avoir une Super NES. Là. Ben, c'est ça, c'est ça, tu sais. Fait qu'il achetait sa mère pour autre chose. Donc, c'est ça, c'est un jeu. Moi, j'ai eu du fun, tu sais. C'est correct, ça a été court. Ça m'a permis de le finir rapidement pour en parler à soir. Je trouve ça le fun d'en parler aussi parce que c'est. Tu sais, mettons ceux-là qui collectionnent les jeux NES, là, mais ouais. beaucoup, puis qui veulent un complete set, tu sais. Ça, c'est dans les jeux, là, que vers la fin, t'es comme bon, OK, je vais sortir mon 400$, puis ça me le prend parce qu'il faut que je complète mon set, là, tu sais. Nouche. Tu sais, vers la fin, à moins que tu sois tombé dessus par hasard, là, vers la fin, c'est comme. C'est des investissements à faire, ça te prend un panique restaurant, fait que tu sors la pièce. T'sais, Power Blade 2, Bubble Bubble 2, c'est tout des jeux chers, t'sais, il faut que tu sortes ton argent pour compléter ton set. Fait que, moi, c'est pas mon but. Moi, je le garde parce que je trouvais que ça avait de l'air le fun, puis j'aime ça, avoir un bel objet de collection de temps en temps. C'est mon jeu qui vaut le plus cher dans ma collection présentement, puis c'est un jeu qui est le fun sans être malade, mais il est assez le fun, puis assez cool comme objet de collection pour que je le garde. Donc, voilà. Mais côté note, j'y donne un 3, simplement, parce que ça révolutionne c'est rien. C'est correct, c'est ça. Pas, c'est facile, c'est le fun, mais t'as pas de surprise là-dedans, jamais. Tu sais, tu passes à travers ça comme si de rien n'était. Mm. Fait que ça change pas le monde du tout, mais je suis content d'avoir essayé, puis je suis content de l'avoir. Ben oui. Bon, man. Alors, c'est ça. Ça a l'air sharp. Hey, c'est quelle pochette que t'as, finalement, pour ce jeu-là? T'as-tu la pochette... C'est pas la pochette japonaise, c'est la pochette américaine super laide? Ouais, ouais, c'est la version US que j'ai. Ben, pas mal... J'ai vu qu'il y en avait trois aujourd'hui. J'ai vu qu'il y avait y a une ben, autre version. Sur les bannières de Rétro Nouveau, j'ai mis la version pâle, la version européenne, parce que c'est plus beau, tu sais. Puis oui, je n'arrivais pas à trouver d'autre résolution. Mais ça parle plus, le cook est plus cartoon. Ah, il est vraiment beau. Ça, là. C'est plus sympathique. Mais j'ai pas regardé la version japonaise. Il y en a une autre japonaise, puis c'est vraiment c'est out there. Ah, c'est ça, c'est complètement autre chose. Autre chose. Tu le reconnais même pas, le cook. Exact. Mais c'est terrible comment nous, en Amérique du Nord, on mangeait des volets de japonais. Oui, vos pochettes. Des pochettes dégueulasses. C'est dégueulasse. Mais oui. Au Genesis, il y en a plein, là, des pochettes notoires, là, merdiques, ouais. Là, tu sais. J'en vois trois, en fait, moi, des pochettes de ce jeu-là. C'est ça, ben, c'est une ça. Une japonaise et deux américaines, ouais. Là. Mais pas le japonais, ça va être l'européen, j'imagine. Malheureusement, je ne peux pas y mettre sur l'écran en ce moment. Là. Mais comment ça? Bientôt, je vais pouvoir envoyer ça du laptop direct dans le stream, là, mais pas avec tout tes suite. Doigts. Saxon dans le cloud, ça va marcher tout seul. Oh, ça, le cloud! Aïe, aïe. Yes. Great. Fait que, à toi, man. Oui, moi, je vais vous parler d'une sacrée surprise incroyable. Oh. Jamestown Plus. De même, là, ça sonne vraiment poche parce que c'est pas un titre intéressant pour un jeu. On dirait de la boisson. Ouais, ouais ça, on dirait de la un boisson. Un bar disco de rencontre. C'est un mix des deux, je te dirais. Non, pas vraiment, mais c'est un shmup. Jamestown, c'est un shmup qui est sorti à peu près en 2013 sur PC. Ça vient seulement sur PC? Oui, seulement sur PC. OK. Puis c'est un studio indépendant qui s'appelle Final Form Games. Puis eux autres, ils ont le jeu a quand même assez pogné sur PC, mais bon, il y avait des petits trucs à régler et tout ça. Fait qu'ils ont décidé de le retravailler pour le sortir sur la PlayStation 4. Puis ce qu'on a présentement, c'est vraiment c'est vraiment comme la meilleure version qu'on pourrait avoir. Ce shmup-là, finalement, ce que ça fait, c'est que sur Jamestown, PS4 seulement. Hein, oui, sur PS4 okay. seulement. Malheureusement, parce que j'aimerais vraiment ça qu'il soit sur une autre console, que tu puisses y jouer. Ben oui. Ben ça va venir sur la Vita, ça, sûrement. J'espère. Ça pourrait. Je regarde le graphisme. Là, ça serait génial sur la Vita, sérieusement. Yeah, hein. Jamestown, en fait, c'est comme le début de la civilisation américaine. Finalement, comment l'Amérique a été fondée. Puis avec des même chemins. Affaire. C'est ça, exactement. C'est des mines d'or. Oui, fait qu'ils ont, ils ont pris certaines libertés avec, là, avec l'histoire de. Je vois que quand tu pètes des ennemis, il y a une espèce de gros écrou en or qui arrive vers toi. Ça, c'est très cave, ça. C'est oui. Ces grosses récompenses en or là, qui tombent. Là. Mais t'as vraiment. Là-dedans, moi, je te dirais que c'est quasiment comme un hommage au meilleur shmup qu'on a vu jusqu'à la date. Puis c'est ça, c'est en fait c'est drôle parce qu'il y a une histoire là-dedans, il y a une histoire à propos justement de la colonisation américaine puis tout. Sauf que c'est du n'importe quoi. Il y a des martiens qui arrivent là-dessus, puis les villes ils volent dans les airs, puis t'as plein de vaisseaux un peu partout. Fait que c'est n'importe quoi. L'histoire c'est ridicule puis c'est drôle. Ça sert un peu de trame narrative, mais on s'en sert qu'un peu. Ce qui est le plus important, c'est vraiment le gameplay. Là-dedans, tu vas commencer avec un vaisseau, puis ton vaisseau, il est vraiment simple. Au début, il est vraiment archaïque. Tu tires des balles, tu peux avoir justement des balles qui vont aller tout droit, ou tu peux avoir un spread où tes balles vont aller tous les côtés. Puis tu vas choisir aussi... Ça, c'est de base, là. Oui, de base. Puis tu vas choisir une arme secondaire qui est tout le temps ton gros tir. Puis il y en a plusieurs de ça que tu vas débarrer tout au long. T'sais, des fois, c'est comme une espèce de gros laser. Il y en a un autre, c'est comme une espèce de grosse boule qui va s'en aller sur ton ennemi puis qui va rester là. Des fois aussi, c'est un pod que tu peux envoyer à quelque part, le locker, puis continuer à jouer en même temps. Wow! Je tiens à dire que ça, c'est un hommage parce que le pod que tu lances, t'sais, c'est comme très R-Type. Ouais. Puis là, tes armes de base, là, t'as le choix entre le gros beam puis le spray, ouais. Le spread. Ben, ça, c'est Dodonpachi, là. Dans Dodonpachi, t'as ça. Le choix d'avoir un gros beam direct de même ou de reprendre ton attaque normale. C'est vrai. Fait que c'est totalement un hommage à plein de sortes de shmups, mais ça, en là, plus, tu sais, je regarde, puis les graphismes, c'est tous des sprites. Oui. C'est pas pantoute des polygones. Non, non, ou, non, il n'y a aucun polygone. C'est tous des sprites. C'est vraiment impressionnant. Puis en plus de ça, ce qui est bien, justement, des armes secondaires qui sont écœurantes. Il y en a une, entre autres, que c'est comme une espèce de laser, un gros beam que tu peux lancer. Mais là, une fois que tu l'as lancé, tu peux décider du moment où tu l'arrêtes, puis il peut rester comme jammé à même place sur ton ennemi. Ah, c'est fait que comme... C'est parfait pour les cores. Oui! Mais c'est parce qu'en plus... Shoot the core! Shoot the core! Il y a comme un niveau de complexité des armes que tu peux vraiment devenir un pro avec ton arme, puis... C'est parce que t'as quand même ton arme principale à gérer, puis ton arme secondaire, c'est quasiment comme un deuxième joueur, des fois. C'est ça. Fait que c'est vraiment cool. Puis tous ces les vaisseaux, puis les armes, t'es débordé tout au long du jeu. Dans ce jeu-là, ça commence, t'as vraiment... T'as un niveau, puis ça se sépare après ça. T'en as à peu près comme 5, puis il y a un nouveau niveau... Il y a une nouvelle série de niveaux qu'ils ont mis dans la nouvelle version qui se passe dans l'espace, parce qu'on sait tous que dans la colonisation des États-Unis, il fallait qu'ils colonisent l'espace aussi. Ouais. Puis là-dedans, t'as justement des grosses bêtes incroyables de l'espace. Puis il y en a aussi dans tous les niveaux. Dans tous les niveaux, à la fin, il y a un méga boss, puis les boss sont vraiment écœurants. T'as tout le temps différents niveaux de difficulté. Tu vas commencer à normal. Il n'y a pas de easy là-dedans. Mm-hmm. Tu commences à normal. Après ça, c'est comme hard, legendary, impossible. Pis, oh my god. Puis c'est un bullet hell qui est assez intense quand même. Puis ce qu'on a vu tantôt, il y avait comme une espèce de cercle autour du vaisseau. Ouais. Ça, c'est une des affaires que j'avais pas vu dans un autre. Peut-être que toi, t'en as déjà vu parce que tu joues à plus de shmup que moi, mais. C'est que en fait, plus tu tires sur tes ennemis, plus tu remplis ta jauge qui va te permettre d'avoir ce halo-là autour de toi. Puis quand tu vas le faire, c'est que ça va absorber tous les tirs des ennemis, puis ça va te donner des sous puis des points. Ah. Fait que ça, c'est quand même une mécanique intéressante parce que tu tires, puis tu te dis, bon, mais quand je vais avoir mon ennemi qui tire une tonne de balles, ben je vais l'ouvrir, cette affaire-là, puis ça va me donner des points, puis ça va me protéger en même temps. Pis d'ailleurs, il y a tout le temps des écrous qui tombent des ennemis, puis ça, faut que tu les ramasses absolument. Puis des fois, c'est ça va devenir... l'espèce de décision épouvantable de « je m'en vas-tu chercher les scènes parce que j'ai un loot incroyable qui s'en vient, ça, mais j'ai plein dessus. De bases. » Ouais, puis t'as pas tant de vie que ça. T'sais, t'as deux crédits de trois vies. Okay. Puis les tableaux sont quand même assez longs. Un niveau, c'est à peu près, je dirais, c'est peut-être une dizaine de minutes. Mais ça, c'est une barre d'énergie là-dedans, à peu près. Tu peux manger quelques hits. Là. C'est pas un... Ouais, tu peux manger quelques hits. Ouais, t'es, okay. pas mort d'un coup quand même. Puis là-dedans, ce qui est le fun, on le voit pas sur le jeu, mais on le voit sur les illustrations du jeu puis les illustrations qui se retrouvent pendant la narration du jeu. C'est comme un t'es comme une espèce de bonhomme un grand de vieux ouais. Ouais, t'es comme un grand barbu, un vieux conquérant, puis tu te promènes sur une espèce de vaisseau boboche, t'es debout dessus avec les deux manettes, puis c'est ton vaisseau, tu sais, ton vaisseau dans le fond c'est comme une vieille guenille, c'est comme une trottinette spatiale, c'est un ponton spatial. Ouais, c'est ça, c'est très bien dit, GM. puis c'est ça. Puis là-dedans, ce qui est bien, c'est que ton vaisseau, si tu te fais tirer dessus, ton vaisseau là, c'est juste la partie du milieu qui peut te faire mourir, c'est juste si toi tu te fais toucher. Okay. Mais si ton vaisseau, les balles passent dessus, ils crèvent pas, fait que tu peux avoir tu peux justement te tasser des ennemis là-dessus. Fait que bref, c'est malade. Tu peux jouer jusqu'à 4 personnes dans le jeu en local. Est-ce que ça doit être le bordel? Ça c'est épouvantable. Ça doit être cool, par exemple. Oui, c'est vraiment cool. Puis, tu sais, il y a tellement de choses à débarrer dans le jeu-là. Il y a comme une tonne d'armes à débarrer, une tonne de vaisseaux. Il y a des challenges, des défis à débarrer. Comme un défi que j'arrive pas pantoute à réussir, c'est survie pendant 20 secondes. Ah ouais. Ça a l'air niaiseux de même, là. Mais là, le survie pendant 20 secondes, là, t'as plein de balles partout. Faut que tu trouves les petits corridors, les safe spots, là. Tu peux rien faire, là. Tu comprends plus. Fait que, combien de niveaux à jeu, là? Tu sais-tu? Les niveaux, là-dedans, il y en a 5 plus l'espace. Il y en a 8 à peu près. Ah, quand même. Il y en a pas mal. Il y en a 8, mais c'est ça. Le jeu te force à travailler fort pour débarrer des affaires. Fait qu'il te dit, admettons, OK, tu veux le cinquième niveau. Ben, si tu veux le cinquième niveau, il faut que tu passes les 4 premiers à Legendary. OK. Fait que là, tu passes les 4 premiers à Legendary. Puis, tu sais, tu deviens de plus en plus fort. Puis, tu débarres des vaisseaux. Puis là, t'apprends comment chaque vaisseau fonctionne. C'est le premier shmup qui m'a forcé à trouver des techniques puis à essayer différents vaisseaux puis différentes combinaisons d'armes pour pouvoir finalement réussir... à jouer. J'ai joué énormément. J'ai passé vraiment beaucoup de temps dans ce jeu-là. Ça semble accessible comme shmup, ça. C'est super accessible. Ouais. N'importe qui veut jouer à ça, même s'il n'a jamais joué à un shmup de sa vie, va pouvoir jouer à normal, ça. Il y a du fun. Ouais, tu le mets à normal puis tu as du fun. Puis ça, quand même, ça va t'aider à comprendre le genre puis à triper un peu plus là-dedans. Puis il y a tout le temps, tu débarres tout le temps quelque chose. Il y a tout le temps quelque chose que tu vas débarrer, que tu vas pouvoir acheter. Okay. Fait que ça, c'est le fun. Puis les défis aussi, tu vas pouvoir en acheter. Puis les vaisseaux, il y a comme deux types de vaisseaux, les vieux vaisseaux, puis les vaisseaux un petit peu plus. Alien. Un petit peu plus alien, c'est bon. Fait que non, c'est vraiment, c'est incroyable. Il n'y a pas de multijoueur en ligne, mais j'y pensais au moment de donner ma note, puis je me disais. Sérieusement, c'est pas une si grande faiblesse que ça pour un jeu de même, parce que c'est un jeu qui se veut comme un shmup d'arcade. C'est pas un jeu qui est fait pour jouer avec un dude à l'autre bout du monde. C'est ça, c'est une expérience solo au départ. C'est ton expérience, c'est ta concentration dans le jeu. Exact. Puis ce jeu-là, là, je veux dire, je me vois très bien le ressortir dans 10 ans puis rejouer encore avec. Ça va être, c'est un grand classique. Puis moi j'ai capoté ce jeu-là, j'ai encore hâte d'y jouer. J'espère qu'il va sortir sur Vita, puis j'aimerais même ça qu'il se retrouve ici. Serait une borne d'arcade, ça serait assez incroyable. S'il vient sur Steam, on pourrait ajouter. Il est sur Steam. Ah ouais? Ah, ben, on pourrait l'ajouter dans la meme. Là, sûrement, cette meme-là est branchée sur Internet, fait qu'on pourrait mettre des jeux Steam là-dessus. Il est sur Steam, c'est pas la version plus, c'est Jamestown, la première version, mais c'est quand même très fort. Je vais demander à Martin qu'on check ça, les jeux Steam, man. C'est comme une database incroyable là, de jeux. Ouais, t'en as des jeux là-dessus. Tout le temps spécial. Samurai Gun, ouais, c'est ça, tout le temps spécial. Ouais. C'est vrai, ça. Il y a tout le temps des spéciales. Ça coûte des peanuts, Steam. Déjà, c'est ça le problème avec Steam aussi. Ça coûte rien. Ouais, tu te ramasses avec un backlog plus fini. Moi, j'ai tellement de jeux. Ça n'a pas d'allure. C'est juste backlog. Moi, j'ai des jeux à 99 cents que je joue jamais. Il y a des jeux que j'ai jamais installés. Je les ai achetés. Moi aussi, même problème. Plus tard. À la retraite, les boys. Ouais, c'est ça. Ouais. Un autre affaire. Fait que c'est ça. Puis en plus, la trame sonore est hallucinante. C'est écœurant. Ah ouais, hein. c'est du travail de feu. Ouais. Ces gars-là ont un avenir incroyable. Puis j'y donne la note de 5 étoiles. Moi, avec. C'est fou. C'est un de mes meilleurs jeux ever. Là. Ah ouais. C'est vraiment écœurant. Fait que c'est ça. Achetez ça, sérieusement. Achetez ça au plus sacré. Sur PlayStation Network, il est 15$, je pense. Okay. Puis, sérieux, au nombre d'heures que j'ai passé dessus, moi, je dis que ton 15$, tu le rentabilises assez rapidement. Genre de jeu qui va se ramasser sur PlayStation Plus, j'imagine, à un moment donné. Là. Ben, il faisait partie du Spring Fever. Ah ouais, hein. Puis, dans le Spring Fever, il coûtait à peu près comme 12$, tu sais. Mais ça vaut tellement la peine. Puis je veux dire, si t'as une coupe de chum chez vous puis tu veux un bon jeu, that's it. Sur Steam, il est 9,99 Jamestown, tout voilà. Ça. Là. Mais c'est ça, la version PC est quand même moins de stock. Okay. Dans la nouvelle version, il y a des nouveaux vaisseaux. La trame sonore a été refaite. Il y a plus de défis, il y a plus de missions. Donc, il y a vraiment beaucoup plus de contenu parce qu'il y a eu du DLC, en fait. Ouais. Il y a eu du DLC, c'est la version PC. Puis là-dedans, ben, tu as toute la version complète. Puis en plus, 1080p avec 60 frames par seconde. Oh. C'est assez sharp. C'est beau schmop. Du méchant beau schmop. Veux-tu le mettre vertical, ce schmop-là? Il est horizontal. Non, il est horizontal. Je suis déçu un peu, là. J'avoue. C'est vrai. Mais il est fait en conséquence. Tu sais, c'est pas un schmop. Les affaires se passent super vite en arrière. C'est tranquille, c'est lent. C'est plus la quantité de balles que tu as à l'écran qui va demander à un moment donné que tu aies deux cerveaux. Fait que c'est ça. Fait que Christy, deux jeux puissants ce soir. Avant qu'on aille à la pause, juste rapidement, on avait parlé des amiibo pour toi, Dominique. Ouais, d'ailleurs, il y a un super amiibo, j'ai oublié d'en parler. Shulk vaut à peu près 50$ en ligne, OK? Puis ouvrez le pas pour la portion amiibo de Xenoblade Chronicles parce que ça vous donne genre des coins qui vont vous upgrader, vont vous donner des petits items qui valent pas tant que ça la peine. Fait que moi, je vous dis, le super amiibo, il est comme accessoire, mais ce jeu-là est tellement, tellement bon. J'ai aussi oublié de parler de la progression des personnages que je vais pas vous en reparler, mais il y en a une, c'est génial. Okay. Tu peux mettre ton personnage un peu comme tu veux, en fonction si tu veux que ce soit un gros tank ou quelqu'un qui fait du dommage, etc. Tout est là, c'est complet. J'avais oublié d'en parler, mais... T'as oublié aussi de parler des kits de Minou, de Mario puis Luigi, qui sont vraiment traumatisants. Hein? C'est pas là-dedans qu'il y a ça. Il y avait comme des petits personnages, je sais pas si c'est dans Xenoblade. Okay. Ou c'est, non, c'est dans Monster Hunter, je me trompe de jeu. Ça se ressemble tout, ces mots. Ben, le genre est un peu semblable, mais lui c'est... Ouais, c'est lui. C'est lui qu'il faut aller. Fait que ça, c'est pas comme Monster Hunter, là. Non, mais c'est... Non, pas par tout. C'est ça, j'en ai pas l'impression. Un autre type de jeu, mais... Okay. Ça reste un jeu de rôle japonais, mais... Mais c'est excellent. C'est nice. Ça. Pour toi, Dominique, fait que si tu veux acheter des amiibo, tu sais, comme. Écoute, quand la première d'ouvrir. Vous ne le voyez pas ici à l'écran, mais sur la caméra, mais sa collection, il y a un mur d'amiibo qu'on va voir dans le backstory. Donc, la Wii Fit. Mes amiibo sont là, puis je ne déballerai jamais mon shake, man. Pas ça, mais. Puis t'as le Mario Gold. Ouais, t'as le Mario Gold en plus. Ouais, c'est ça. Ouais. Puis je me suis pogné 3 villagers la semaine passée. Ouais. Mais on fait des jokes, tu sais. Ah ben, je vais arrêter. J'ai regardé les amiibo les plus chers sur... Villager, c'est le plus cher? Non. C'est qui? Il y a un Peach avec une erreur, pas de pied. Ouais. C'est vendu genre 26 000$. Hey. Oui, j'ai été voir ça. Mais il y a la version Samus 2 Gun aussi. Oui, mais Samus 2 Gun, il y en a une coupe. Okay. Je pense que Peach 2 pas de pied, c'est le seul. Puis 26 mais Peach 000$. Aussi, au début, il y avait de quoi en dessous de sa robe? Là, il n'y a plus rien. Écoute. Quoi? Oui. Elle n'a pas de vagin. Non, mais on dans la version qu'ils ont présentée au E3, tu pouvais voir ce qu'il y avait en dessous de ça. Ouais. Il y avait quoi? Tu as passé de genre des bobettes là, de Barbie. Plus d'intérêt. Des bobettes. Genre, je veux collectionner toutes les. Ouais, c'est ça. Peach, Japon. Mais là, non, c'est ça. On voyait de quoi en dessous. Puis la version qu'on a eue finalement. Parce que moi, je l'ai, cette version, la nouvelle version. J'ai pas la version. Tu peux pas y voir les panties, man. T'as pas le candy. Non. Plastic panties. Glorious. Glorious. semaine. On va prendre une pause et on va sortir au coin de la rue. On va... on va avoir tout ce qu'on veut. Rétro Nouveau, rated R. For... ouais. Sur Twitter, il y a Max Tremblay, l'épée légendaire, qui nous fait dire « Lâchez Miami Beau, les boys ». Mais je dis à Max on fait de la peine à Max en ce moment. Moi, j'aime ça, les Amiibo. Sans joke, là, j'ai une... Non, mais moi c'est plus un running gag là, que je suis là-dessus. Je m'en fous. C'est un personnage que je joue. Hein? Moi, j'aimerais ça que ça soit plus... j'aimerais ça vraiment être flabbergasté par l'utilisation des Amiibo. Moi, j'ai déballé la première vague, puis j'ai acheté une deuxième vague. Je ne sais pas toutes, j'ai pas Metanite, il est trop cher, mais... J'ai genre pas le goût de les déballer parce que je me dis, ah, c'est une affaire de collection. Puis la valeur ajoutée du jeu est pas là. T'sais, à un moment donné, il y a peut-être un killer gang qui va sortir et va dire, ouais, je vais déballer mes Amiibo. Moi, j'ai hâte que justement, tu aies un jeu, là, puis qu'il y ait quelque chose d'épouvantable à pas avoir si t'as pas un Amiibo. Comme, admettons, tu le mets, puis c'est comme, oh my god, a second game! Ou, tu sais, quelque chose de vraiment épique, là, des niveaux complets, ou, tu sais, vraiment un personnage que tu peux pas avoir. Wow, mon jeu de Mario Party se transforme en Ark 2! Des Amiibo de Narc, tu sais. Avec, ça la, avec le 12 puis la musique. Avec le dos d'un ses seringues. Ouais, ça serait. Ah oui, le clou. Hey, non, mais s'il faisait des Amiibo de d'autres choses que l'univers de Nintendo, j'en achèterais plein, tu sais. Oui. Mais il pourrait aller loin, il pourrait faire l'Amiibo du gars de Smash TV, là, l'annonceur. Moi, je le prendrais, celui-là. J'achèterais buy that for a dollar. Ah ouais. Wow. Bon, mais. C'est un beau projet de Photoshop, ça. Bon, Bruno, c'est pas un autre projet. Bon, ben, on prend une pause. Ouais, on prend une pause. Après ça, on parle de Street Fighter. Ouais, oh, gros, yes. C'est Nick qui va nous faire ça. Ouais, go. Go. Alright. Alors, cette semaine, comme on va parler de la série Street Fighter, j'ai trouvé trois fun facts concernant Street Fighter, justement. Laissez-moi baisser le son un peu, là. OK. Saviez-vous qu'il y a une version d'arcade de Street Fighter qui avait été conçue avec seulement deux boutons au lieu de six? Un bouton kick puis un bouton punch. La particularité de cette arcade-là, c'est que ça fonctionnait à la pression appliquée sur les boutons. Oui, oui, oui. Fait que plus tu pesais fort, plus ton attaque était forte. Ça pétait tout le temps les boutons. Ouais. En arcade, c'est à partir de là qu'ils ont inventé le système à six boutons. Justement pour arrêter que ça scrape. Mais côté gameplay, ça doit être difficile de jouer avec deux boutons. Ça va vite, le Street Fighter, quand même. Fait ouais, c'est de ça. De pouvoir contrôler ta pression doit peut-être un handicap en tant que tel, je pense. Là, de... Ah, ça devait être tough. Mais les boutons étaient pétés tout le temps. Je l'ai essayé. C'est pour ça qu'il Je l'ai essayé une fois à la machine à Street Fighter 1 avec ça. Ah ouais? Puis, mais ils étaient pétés, les boutons. Okay. Ça marchait pas bien. C'est dommage, j'aurais aimé ça avoir l'expérience. Parce que Street Fighter 1, on l'avait à l'arcade à Terrebonne. Ah, oui, mais il n'y avait pas les boutons. Il était jaune, puis il y avait un Ken. Mais il devait avoir les six boutons quand même. C'est ce qui était long, les bonhommes. Ah, c'était il était fait en hauteur. Ben meille. Mais. Non, c'est ça. C'est pour ça... Oui, vas-y. Non, vas-y. Ben, c'est toujours. On peut rien dire. Fun fact numéro 2. Les combos dans Street Fighter sont originaires d'un bug, en fait. Le jeu avait été conçu au départ pour jouer d'une façon qui était plus rush, papier, ciseaux. Fait que, dépendamment de l'attaque que tu faisais, tu pouvais avoir un bloc à cette attaque-là. Les développeurs savaient que c'était possible de faire des combos, mais ils se sont dit que c'est humainement pas possible pour un gamer moyen de faire des combos d'attaque. Ils sont trompés assez solides. Ouais. Ah ouais, c'est devenu clairement le, c'est devenu le, de la marque du gameplay de ça, dans le fond. Là. Oh. Puis Final Fight devait être à l'origine Street Fighter 2, mais Capcom trouvait que le défilement horizontal rendait le gameplay un petit peu trop différent de la première version, qui était seulement des combats un contre un. Fait qu'ils ont décidé d'en faire un spin-off complètement de Street Fighter. Fait que Final Fight est un spin-off de Street Fighter. C'est pour ça que les deux jeux s'échangent souvent les personnages. Exact. Ah, ouais. Ah, c'est cool. Ouais, bon ça, fact. C'était donc la raison. Hmm. Ça fait le tour de mes fun facts sur Street Fighter. Fait que je pense que Nick a beaucoup d'informations à nous donner. Fait qu'on va le laisser parler. C'est une discussion ouverte, mais tu sais, moi, ce que j'avais pensé un peu, comment organiser ça, c'est peut-être qu'on pourrait parler des Street Fighter. Oui. Puis, tu sais, on va essayer de coller, surtout sur les titres originaux au début, mettons. On parle 1, 2, 3, 4 et Alpha. Puis ensuite, on parlera peut-être des projets spéciaux. Là, Il y a une machine de Marvel Super Hero. Là, ouais, qui, c'est ça. Il y a eu des crossovers avec... AX plus A. Ouais, tu sais. on va en parler de ça. Ouais. Puis après, on a une belle surprise. Un petit top 5 à la fin pour... Tout en image. Donc, peut-être si on peut partir le gameplay de Street Fighter 1. Là. Si vous avez déjà joué à ça, c'est important que vous jouiez à ça, parce que Vous allez voir. Moi, j'ai que... joué à l'arcade, j'avais ouais, trouvé t'sais... ça épouvantable. Ouais, l'arcade, c'était ça pas... ressemblait pas à ça. Ouais, c'était carrément ça, man. C'est ça avec d'autres, des pixels un peu plus. Tu sais, ça, c'est l'émulateur, là, j'ai l'impression. Okay. Là. Mais grosso modo, là, tu sais, vous avez joué à You're Here Kung Fu, tu sais, ou Karateka, ouais, ouais, ouais. Tu sais. C'était vraiment un peu une évolution de ça, tu sais. Puis, tu sais, je pense que ce qui était la vraie révolution de ce jeu-là, c'est. T'sais, les super moves, tu sais. Ouais. Quand tu avais déjà le Shoryuken, ouais. Tu avais déjà le Hadouken, tu sais, okay. Qui était extrêmement difficile au niveau timing à rentrer, ouais, ouais. Quand tu en réussissais un, il faisait tellement de dommages, tu sais, c'était comme vraiment le move là, pour détruire ton adversaire. Mais c'était quand même assez poussé, tu sais, il y avait comme une vingtaine de personnages, tu sais. Puis le boss de la fin, c'était Sagat, tu sais. Fait qu'ils ont déjà établi ça, tu sais. Il y a un couple d'autres personnages, tu sais, qui ont ben oui. disparu, tu sais. Tu vois, il y avait déjà des espèces de concours d'habileté qui étaient très, très, très la mode. Là, le test, ça ressemble beaucoup au Test Your Might. Test Your Might, ouais. Ouais, mais ouais. Que dans le fond, c'est Mortal Kombat qui est venu après. Là, fait oui. Que, la map aussi, hein, ouais. Quand on part en avion puis on s'en va se promener. Ouais, il y avait tout ça. Puis, tu sais, c'était vraiment des combattants par pays, tu sais. Joe, puis, lui, qu'on voit présentement, lui, on l'a jamais revu, hein, Joe. Tu sais, Joe, il y en a qui des rumeurs qui disent que le gars qui est dans l'intro de Street Fighter 2, tu sais, comme quand ils se battent au début, dans... Il y en a qui disent que c'est Joe, tu sais, mais je suis pas sûr que c'est légitime, mais il y a une petite ressemblance. C'est un Américain, il est blond, tu sais, il a un T-shirt. Ben, il y en a qui disent que c'est Cody. Logique. Ouais, il y en a qui disaient que c'était Cody, tu sais. C'est juste, peut-être, c'est n'importe qui, ce gars-là. Ouais, c'est ça. J'ai l'impression que c'est n'importe qui. Mais tu sais, une fois que la rumeur s'est emparée de quelque chose, là, ça continue. Mais ce jeu-là, tu sais, honnêtement, tu jouais... C'est pas quelque chose qui aurait fait une révolution totale. Si vous avez essayé la machine à pression qui marchait, vous êtes ultra chanceux. Ouais. Si c'est quelque chose, j'ai pas eu le privilège. Là. Mais tu sais, je pense que ça amenait une expérience différente. Là. Exact. Mais la version dont on parlait tantôt, c'était quoi ce jeu-là? C'était pas Street Fighter 1? Ouais, ouais. Toi, tu parlais de Street Fighter 1, mais la version d'arcade avec 6 boutons, là, c'est normal. C'est ça. Ouais. OK. Il a été. Parce qu'après, quand Capcom s'est aperçu que ça pétait tout le temps, puis c'était bien trop cher à remplacer, c'est là qu'ils ont introduit le bouton, le 6 button, le 6 boutons. Okay. Parce que là, ils se sont dit, bon, là, on a un low, medium, high, on va faire des boutons pour chaque. Oui. Ça, c'est devenu vraiment la marque de commerce là, de Street Fighter, en fait. Là. Okay. Puis ça a permis un peu là, tout ce qu'on connaît au niveau genre raffinement de gameplay. Parce que à tapocher un gros bouton, là, ouais. on serait encore ailleurs. Là, t'sais. Il y avait une couple de personnages qui ont survécu de Street Fighter 1. Moi, j'aime bien Jen. Ouais, qui est revenu Jen, plus tard dans Alpha. La série Alpha. Ouais. Il y a Ken Ryu sont là. Ouais, Ken Ryu était original aussi. T'avais Birdie. Techniquement, Birdie était comme un Anglais, puis je pense qu'il était caucasien dans la version Super originale, puis il est devenu genre africain punk dans la version Exact, Alpha, exact. Fait que toi, t'avais parlé d'Eagle l'autre fois, le Eagle, dude avec les bâtons. Ouais. C'est qui ce gars-là? Je l'avais jamais vu avant. C'est un dude qui a des bâtons dans Street Fighter 1. En fait, c'est un bouncer en Angleterre, un bouncer de bar, mais il y a deux petits bâtons exact, qu'on pourrait rapprocher à l'art martial qui s'appelle le Kali. Parce que j'avais vu des émissions d'art martial à RDS. Oh. Et puis, ça m'avait épaté, le Kali. Donc, t'en donnes plus que le client demande en ce moment. Moi, je donne. C'est un giver. C'est ça. Fait que, Eagle était là. Y avait-tu des filles dans... Dans Street Fighter original? Il me semble qu'il n'y en avait pas. Je ne me rappelle pas. Je pense pas qu'il y avait de filles, en fait. Là. Je sais qu'Adon était là. Sagat oui, était Adon là. Adon était là, ouais, c'est vrai. Il y avait un ninja avec une griffe. Ouais, Retsu. Lui, on n'a jamais revu. OK, c'était pas Vega, finalement. Non, c'était ninja. Pas Vega. C'était comme une inspiration d'eux, mais c'était pas Vega. Fait que tu sais, il y avait une couple de personnages, il y en a qui ont ramené, il y en a d'autres qui sont morts, là, tu sais, qu'on a vu Joe, là, tu sais. Ouais, non. Il y avait rien d'intéressant, Joe, tu sais. Il y avait un autre boxeur, tu sais, qui comme, il a évolué pour devenir boxeur, là, Balrog ou... Exact. M. Bison, c'est un japonais, là, mais... Fait que là, peut-être qu'on peut partir Street Fighter 2, tu sais, puis lui, c'était la révolution, tu sais. Ça, là, si vous étiez... dans le monde de l'arcade en 91, là, ça a frappé dur. T'sais. Ça n'a pas de sens. Non seulement ça a frappé dur, mais ça l'a vidé vos poches. T'sais, parce que Capcom est arrivé avec un concept complètement fou, intéressant pour faire du cash. T'sais. Ils ont dit, hey, et si deux joueurs jouaient un contre l'autre, ils pourraient gaspiller plus de 25 cents. T'sais. On l'avait déjà dans Street Fighter 1, mais c'était juste Ryu contre Ken, c'était limité. Là, tu arrivais avec les World Warrior originales. T'sais. Là, ils ont introduit Johnny Blanca. Tu avais encore Ken Ryu. Qui était pas mal pareil, à part leur troll, là, où il y en a un qui Ken faisait la culbute. C'était juste ça, la c'était différence. C'était juste ça, la différence. Tu sais, Chun-Li mythique, Dalsim, Zangief, ou Zangief. Gale. Zangief. Ouais, Gale, tu sais. Puis tu sais, dans la première version World Warrior, tu sais, dans le fond, tout le monde se pitchait sur Guile. Puis t'es comme, ah, oh, shit, qu'est-ce que je vais faire? Ben, ouais, j'ai jamais aimé moi, Guile. Ben non, moi, je prenais Yonda. Il me semble que j'ai entendu parler aussi que Guile est un personnage qui a été créé, mais tout croche par un newbie dans le team ou whatever. Pis, Ça, j'ai pas l'information. Je sais qu'il a été fait de façon, là, genre, purement stéréotypée. Qu'est-ce que ça a l'air un Américain? Tu sais, genre, militaire... Les cheveux blonds, ben les yeux bleus, les tatous, tu sais. Mais quelqu'un m'a dit à un moment donné, quelque part, que Guile avait été créé comme juste par un newbie ou whatever, que ses moves étaient comme brisés, que c'était un peu n'importe quoi, de la façon qu'il faisait ses moves, tu sais. Puis c'est devenu un des plus populaires. Un personnage important. Là, ah ouais. Sous toute réserve. Ben ça, je n'ai pas l'information, mais c'est super intéressant, je vais aller rechercher après l'émission. Mais dans le fond, Street Fighter 2, c'est là que Capcom a appris à comment sortir du lait d'une vache, tu sais. Ouais. Parce que là, on a sorti Street Fighter 2, on a dit, hey, peut-être qu'on pourrait faire un Championship Edition. Fait que là, ils ont rendu les boss originales jouables, t'sais. Exact. Là, ensuite, ils ont dit, là, ensuite, c'était le piratage total, si vous vous rappelez, tu sais, avant le système, le board CPS2, là, tu sais. Ouais. Le CPS1 qui n'avait pas d'encryption. Là, ça s'est gâté, là. T'avais toutes sortes de versions en arcade, là, pirates, là, genre Chun-Li faisait une boule de feu. Oui, c'est ça. Rainbow, ouais, exact. Street Fighter. Tout ouais. ça, là, ça a été parce que là, les ROM, ils n'étaient pas encryptés, tu sais. Exact. Ça, Capcom a perdu beaucoup d'argent, puis là, okay. ils ont... C'est ça. Fait que là, c'est, après ça, ils ont introduit, tu sais, le CPS2, quand ils ont rentré, les New Challenger, tu sais. Okay. Avec DJ, Camille, T-Hawk, Phi-Long. Phi-Long, ouais. Fait que là... Là, il y avait un board encrypté, on commençait à faire des affaires avec. Puis finalement, il y a eu la dernière itération de Street Fighter 2, là, qui est Super Street Fighter 2 Turbo. Donc, on va remettre plus de mots à quelque part. Là. Puis là, c'est là qu'ils ont introduit le fameux personnage mythique, Akuma. Ah, il s'appelle Gouki au Japon. Puis tu sais, on s'est dit... Gouki? Ouais, il s'appelle Gouki. Puis là, ils se sont dit... Ça, c'est un bon call de localisation, tu sais. Tu sais, mettons, je suis le terrible Gouki. Tu sais, genre, ça fait pas aussi épeurant, tu sais, en français ou en anglais, tu sais. Mais au Japon, c'est une connotation quand même. Je pense que c'est démon ou quelque chose comme ça. OK. Mais Akuma aussi, ça veut dire démon, une autre affaire. Ouais. Fait que, grosso modo, ils ont introduit ça. T'sais, c'est un personnage caché, était hot. Il y avait une boule de feu dans les airs qui venait des versions pirates, d'ailleurs. T'sais. Ils sont inspirés de ça parce que Ken Ryu pouvait faire des boules de feu dans les airs. Fait que ça a donné la dernière itération de Street Fighter 2 qui est encore joué aujourd'hui dans les tournois majeurs. Là, Super Street Fighter 2 Turbo, maintenant, il y en a qui utilisent le remix. Mais il y a eu une arcade de Super Board. Là, exact. Super... Okay. Puis, mais il n'y a pas de version console de ça, par exemple. Il y a plusieurs versions console. Ben, il y a eu Super Street Fighter. Oh, il y a eu Super Street Fighter 2 Turbo qui est sorti au 3DO, en fait. OK. Puis il est sorti aussi au Dreamcast. Il y a eu une version. Saturn aussi, il me semble. Ah non, ça, c'est Alpha. Ça. Ouais, je pense que Saturn n'y était pas. Peut-être qu'il y a eu une compilation, ça se peut. Mais là, il y a eu toutes sortes d'affaires, comme dans. Il y a une compilation PS2 qui l'avait, tu sais. Fait que c'est facile à trouver. Mais sur la PS3 et la Xbox 360, il avait sorti en remix. Mais tu peux jouer aussi les graphiques originales, puis les nouveaux graphiques. C'est genre, cool, ça. Qui avaient été refaits à la main, là, dans le fond, par Udon, là, compagnie là, de toutes sortes d'affaires. Ils font des comic books, des périphériques. Ouais, c'est ça. C'est compliqué ce qu'ils font, Udon. Fait que ça, vraiment, Street Fighter 2, c'est ça qui a mis Street Fighter au monde, là, comme on connaît aujourd'hui. Puis ça a été la révolution totale. T'sais, ça a spawné à peu près tout ce que vous voyez. Je suis papa cassette, le Killer Instinct, Mortal Kombat. Tout ce qui a 6 boutons, finalement. Ouais. Ben, ou même 5. Dans le fond, tout le monde se dit, hey, ça a tellement fait d'argent, ce jeu-là, qu'il fallait... Mais ça a été dégueulasse dans le temps, même au niveau des consoles. Il y a tellement... Dans le temps de la Super NES, tu sais, il y a... Puis, tu sais, The Art of Fighting ou Fatal Fury ou je sais pas quoi, tout ça, tu sais, c'est tout inspiré de Street Fighter. Ah ouais. Puis, il y en a tellement des jeux de combat de marbre. Il y a des vidanges. Un de mes meilleurs pseudo-clones de Street Fighter, c'est Darkstalkers. Je suis meilleur à Darkstalkers qu'à Street Fighter. Puis, je trouve que c'est le fun quand même que ça. Ça est privé, mais en fait, c'est Capcom qui le font, donc. Ouais, mais Darkstalkers a été un laboratoire pour Street Fighter Alpha dans un sens. Ouais, c'est comme leur Kirby, finalement. Exact, ils avaient introduit les chain combo là-dedans. Ouais. Puis le style un peu cartoony qu'ils ont introduit dans Alpha. Fait que, tu sais, ils ont vraiment fait le pont entre les deux. Puis cette série-là a eu une vie beaucoup plus pognée au Japon. Ici, ça n'a pas été un gros succès. Ouais, c'est chier. Ils l'ont ramené en plus avec Resurrected. C'est un super beau personnage. Ouais. Tu sais, il y a plein de monde là-dedans. Yeti, tu sais. Les Vladimir, personnages sont incroyables. Mais tu sais, ils ont vraiment étudié pour faire des affaires. Puis là, ils ont essayé ça dans Street Fighter. Tu sais, ce qui m'amène à Street Fighter Alpha, dans le fond... Ouais, Alpha, c'était-tu juste le look qui faisait que le jeu était... Ben, Alpha, dans le fond, là, dans le timeline de Street Fighter... Des, ah, excuse, vas-y. Ah, mais c'est supposé d'être l'histoire... Même s'il s'appelait Zero au Japon, c'est supposé d'être entre le 1 puis le 2. OK. Fait que... Ça, parce que, fait amusant, j'ai joué à Street Fighter Alpha pour la première fois de ma vie sur Game Boy Advance. Ah non, OK. Ouais, mais tu sais, moi qui aime tant les consoles portables, j'étais comme, hey, c'est sorti sur Game Boy Advance, je vais l'acheter. J'avais acheté ça, puis j'avais acheté Dragon's Lair. Ah ouais, Dragon's Lair aussi sur Game Boy Advance. Okay. Non, sérieusement, Dragon's Lair sur Game Boy Advance, là, c'est fort. Ah ouais? C'est très réussi. Je suis surpris, là. Non, c'est assez impressionnant. Ils ont refait exactement les images de Dragon's Lair. Ils ont refait le Game Boy Advance. Ah, c'est pas Dragon's Lair de gauche à droite, c'est celui-là. Okay. Le disque game. Là. Okay, okay. Ah ouais. Fait que, ouais. Mais okay. Non, mais Street Fighter Alpha était pas si pire. Ouais, mais il me semble que c'était l'inauguration des attaques spéciales qui se craignent, là. Dans jauge en bas. Ben, tout à fait, comme j'ai oublié de le dire, mais dans Super Street Fighter 2 Turbo, ils ont finalement instauré le système des super combos. OK. Puis là, dans le fond, tu pouvais l'accumuler, mais juste mettons, on avait un jauge. T'accumulais ça, tu faisais ton move, puis c'était fini. Puis à la fin du match, tu sais, tu te perdais, puis tu recommençais. Dans Alpha, ils ont introduit, genre, trois niveaux. Fait que c'est là que tu as pu avoir les niveaux 1, 2, 3 de super move. Ils ont introduit des trucs comme le Alpha Counter. Fait que si tu faisais t'approcher pendant un bout, tu te protégeais, tu étais capable de contrer l'ennemi avec ça, tu sais, puis de faire un genre de contre-attaque. Ça te prenait aussi du jauge. Les Chain Combo, qui était dans Alpha 1, qui était genre, si tu faisais low, medium, high, c'est sûr que ça allait rentrer. C'était normal, c'était un peu des pop-up combos, là, comme on veut. Là. Ils rentraient automatiquement. Okay. Ça a été retiré dans Street Fighter Alpha 2 parce que c'était trop facile, c'était un peu brisé. Okay. Après ça, Street Fighter Alpha 2, ils ont continué. T'sais. Mais dans Alpha 1, ils ont introduit Rose, que moi j'adore comme personnage, là, qui est vraiment cool. Ils ont ramené Adon, Birdie. Ah ouais, Après Jen, ça, Jen est revenu. Ouais, Jen est revenu dans le 2. Il y a Camille était-tu dans Alpha? Guy était elle là. Camille, elle a été réintroduite dans Alpha 3. Ouais. Guy était introduit dans Alpha 1. Ouais. Ça a été le fun. Parce que là, c'est là que, comme Jeff a mentionné, les deux séries ont commencé à flirter. Exact. Parce que bien que Zangief, il fait le spinning, mais la lariat à Gare, c'était pas exactement ça. T'sais. Mais là, ils ont vraiment juste dit, OK, on met Guy là-dedans. Puis dans Street Fighter Alpha 3, ils ont ramené Cody là-dedans. Exact. Puis, un personnage que t'aimes beaucoup, d'ailleurs. Moi, j'adore Cody. Oui. T'sais, en plus, il a mal viré. T'sais, l'histoire est écœurante. Dans Final Fight... Peux-tu m'en parler vite fait? Parce que ça me fuck la vie. Fait que ce qui est arrivé, il est comme un prisonnier en passant. Mais dans Final Fight, là, il s'est battu. Puis finalement, il a délivré Jessica, qui était la fille de Hagar. Sa blonde. Ouais. Puis là, l'histoire est que genre, là, il était comme... tanné de sa vie, il était bored, fait qu'il a commencé à se battre dans le jeu juste comme ça avec n'importe qui pour le fun. Il s'est fait arrêter, il s'est fait sacrer en prison, puis dans Street Fighter Alpha 3, il s'échappe pour se rebattre. Okay. Juste pour ça, parce qu'il est bored. Je pensais qu'il y avait une conspiration contre lui. Non, il n'y en a même pas. Il est juste un ouais, c'est ça. Il est juste blasé. Exact, il est blasé. On va me battre. Puis, tu sais, ils ont introduit d'autres personnages de Rolento. Rolento dans Alpha 2. Dans Alpha 1, il y a Sodom, qu'on ne pourra jamais oublier, qui s'appelait Katana dans Final Fight. Final Fight américain. Mais dans Final Fight, il était comme plus élancé, puis il y avait un katana dans chaque main. Oui. Mais là, Sodom, il est comme plus trapu, plus gros, là, tu sais. Il a une taille très, très, très, très, très mince. Ouais, mais il y a comme des épaulettes. Des épaulettes, tu sais, c'est un peu weird. Sodom, là, tu sais, j'aurais aimé en parler un peu tantôt, mais ce gars-là, c'est un trucker américain qui tripe sur la culture japonaise. Ah ouais? Qui a des épaulettes de football, puis, tu sais, un masque, un masque de samouraï. Il y a des sais, il y a des katanas dans certaines versions. Ouais. Dans Alpha 3, ils ont ramené des katanas. Puis c'est comme, il est juste weird, tu sais. Il y a des sandales japonaises, tu sais. Ce gars-là, il est trop louche, tu sais. Alors... En tout cas. Mais c'est un personnage intéressant. Puis ça, c'est une super belle série, tu sais. Ils ont dit, on va essayer de repartir quelque chose d'un peu plus cartoony, tu sais. Ouais. C'était pas tellement... C'était pas super loin de Street Fighter 2, c'était vraiment comme plus une évolution logique, tu sais. Puis en parallèle avec Alpha, ils ont sorti Street Fighter 3. Puis là, Street Fighter 3, il y a eu trois itérations, tu sais. C'est le bon, ça, Il y a eu Street Fighter 3. Ensuite, il y a eu Second Impact, puis le fameux Third Strike qui est l'apogée là, de la série Street Fighter 3. Là, ils ont introduit des nouvelles mécaniques. Premièrement, du staff original dans le premier Street Fighter 3, il restait juste Ken et Ryu. Il n'y avait personne d'autre de Street Fighter 2. Chun-Li? Chenier était introduit juste dans Third Strike parce que la demande des fans était là. Ouais. Fait que quand ils l'ont sorti, ils ont dit on va mettre plein de nouveaux personnages. Ils ont mis Sean, un petit Brésilien qui était comme l'élève à Ken. Ouais. Ils ont mis genre Oro. Oro qui est un personnage écœurant. Celui qui manque un bras. Il manque un bras, c'est un vieux bonhomme qui vit d'une grotte. Il est dégueulasse. Il tousse, il mord. Il était vraiment spécial. Il y a deux frères, là, un en skate et un en patin à roues alignés. Ouais, Yun et Yan. Une fille ninja aussi. C'est Ibuki. Ibuki qui était vraiment un beau personnage. J'ai toujours aimé le design puis le gameplay de ce personnage-là. Il y a aussi... Celui qui s'étire, là... Oro. Necro. Necro, ouais. Lui, il y en a plusieurs de ça. C'est comme... C'est comme une création. C'est comme un laboratoire. Ouais, exact. C'est un Russe qui vient d'un laboratoire. Il y a aussi... Alex qui était dans le fond. Un gros lutteur. Ouais. Il est inspiré de Hulk Hogan, en fait. Puis, Alex a été le personnage que Capcom a essayé de dire ça, c'est le nouveau, nouveau visage de Street Fighter 3. Okay. Là, ils ont dit on va tasser Ryu, on va mettre Alex. Fait que là, c'était supposé d'être ça. Alex a eu du succès, mais pas autant que Ryu a pu avoir. T'sais. Fait que finalement, il est maintenu. Ils l'ont maintenu dans Street Fighter 3, mais on s'entend, Ryu a repris le flambeau là, du poster child, on peut dire. Check là, il y a Hugo qui est un personnage de Final Fight, dans le fond. C'est Andoré de Final Fight qui s'est transformé en Hugo. Exact. Puis Andoré était, je suis sûr que vous l'avez tous deviné, là, inspiré de André le Géant. Exact. Le lutteur, exact. André le Géant, mais on dirait aussi, Colin, le bonhomme dans Texas Chainsaw Massacre. Letterface. Ils ont magané à la face un petit peu. Mais tu sais, quand tu vois, comme j'ai dit, Alex avait été inspiré par Hulk Hogan, puis Hugo, tu sais, c'est André le Géant. À un moment donné, quand les deux se rencontrent, ils se donnent un chest bump. C'est une référence à un des Hulkamania. Vous regarderez ça. Quand il y a une entrée spéciale, là, fait que, c'est assez cool. Je vais faire des recherches. Fait que, tu sais, c'est des petites touches de même, là, tu sais. Il y a vraiment... en tout cas, ce jeu-là est une révolution totale parce qu'ils ont amené le système de pari, OK? Quand quelqu'un t'attaquait, tu pouvais faire un move par en avant, tu bloquais son attaque en pariant, puis là, t'étais tout de suite... T'avais la possibilité de faire un autre move, OK? Ça, c'était comme une révolution, c'est un nouveau système qui introduisait. Puis Street Fighter 3 bouge tout à fait différemment. Ouais. L'animation était vraiment plus poussée. L'animation était tellement beau, ce jeu-là. Là, ce jeu-là, là, en arcade, il venait avec... Il y avait le board, puis il y avait tellement de sprites qu'il y avait un disque dur qui venait avec. Puis la musique avait essayé de pousser ça. C'était vraiment une machine dispendieuse. Puis c'est un super beau jeu. Third Strike, il y a des fans aujourd'hui encore. Ça joue encore des tournois de Third Strike. C'est un jeu qui a une profondeur. Même ici, dans les soirées, le monde joue à Third Strike. Nick Chalifou est un grand fan. Il joue tout le temps à ça. Fait que, tu sais, on s'entend que c'est un jeu qui a laissé une legacy. Il y avait Dudley, le boxeur. Ça, sa moustache, moi, j'adore Dudley. Il y a de la classe. Il arrive en Rolls Royce. Il traite de gutter trash. Dans le fond, c'est de la cochonnerie de gouttière. Honnêtement, Street Fighter 3 était une belle évolution, mais il n'y a pas eu autant de succès commercial que les autres. Exact. Il était très, très technique. Au niveau des fans finis, là, ce jeu-là, tout le monde le met ultra haut. Là, mais au niveau du public en général, c'était trop compliqué, c'était difficile. C'était pas le monde original qu'on avait. Fait que le monde se sont comme un peu désintéressés. Fait que Capcom a continué de développer en parallèle la série Alpha puis Street Fighter 3. Là, ensuite, il y a eu un grand vide qui a été comblé par toutes les versus. On peut en parler un petit peu. Il y a eu... il y a un Marvel Super Hero ici, mais il y a eu... Qui est sorti, mais après, il y a X-Men eu Marvel... versus Street Fighter. Marvel versus Capcom. On pourrait faire ça. Ça, c'est X-Men. Ouais, X-Men versus Street Fighter. Ça a été vraiment le premier crossover. Moi, je me rappelle, j'avais été à Montréal pour jouer à ça. Je partais de Terrebonne en autobus. C'était comme l'affaire de malade. T'sais. Si vous aviez joué à Children of the Atom dans le temps, X-Men qui était excellent, lui qui a introduit vraiment les air combos, qui a poussé plus que Darkstalker faisait. Mais là, ça, c'était comme, ah man, je peux prendre Zangief. Puis, tu sais, genre, il y a Ryu qui était là-dedans. Puis Wolverine. Ah, ouais, c'est comme là, c'est des affaires qui se pouvaient ah, ouais, pas c'est ça, des mondes. C'est ça, vraiment. Regardez ouais. ça, là. Ah, ça il a manqué, ouais, c'est ça. J'ai envie de vomir. Ah, ouais, tu sais, puis, tu sais, Magneto là-dedans, tu sais. C'était vraiment incroyable, mais ça, ouais. C'est un autre type de gameplay. C'est pas tout le monde qui va aimer ça. Super non. rapide, puis c'est vraiment ah, très, c'est très aérien. Ah, ouais. Ton but, c'était de sacrer gars dans les airs pour lui faire des combos à pu finir. T'sais. C'est vraiment ça. Ah, il y a beaucoup de fans de la série, ouais. Ben, en fait, il dit Berserker Barrage. Ouais, oui, mais moi, j'entends Berserker Barrage. Mais Bruno, on est donc là. Clairement, le, c'est le VO du. Ça, c'est Wolverine. Comme Camille, quand elle saute, elle dit Nine Inch Nails. Mais c'est pas Nine Inch Nails qu'elle dit, mais. C'est soit Cannon Drill. Cannon c'est Drill. C'est Cannon Drill, ouais, sûrement. Fait que... moi, j'entends Nine Inch Nails, Nine Inch Nails. C'est bien mieux. C'est mieux de c'est même. Peut-être Cannon Spike ou Cannon Drill, un des deux, mais. Ouais, là, ici, un autre des. Moi, j'ai vraiment aimé la série Capcom de SNK, ce qui était impensable. Capcom dans le temps, versus SNK. Ouais, ouais. SNK, c'était des ennemis jurés. C'est des anciens de Street Fighter de Capcom qui sont partis, qui ont fondé. Le King of Fighters, puis ben, Fatal Fury, man, puis toutes ces affaires-là, c'est ça. Fait que ça, c'était. Fait que c'est des jeux de combat de qualité, ça, quand même. Ah là, ouais, ouais. C'est une très belle série, jeux. Ça, ouais. King of Fighters. Ben, juste le background qui tourne autour en 3D, c'est. Ouais. C'est assez sharp. Mais ça, c'était Dreamcast, puis même la machine d'arcade. Ah, c'est ça. J'avais déjà parlé du Naomi, là, mais oh, c'était les ça. Personnages de Samurai Showdown là-dedans, ah, ouais. En plus, ouais. Man. Ouais. Oh. Fait que ça, c'était ça, tellement. Ça le fait en hostie. Un beau jeu, là, tu sais, puis. Tu sais, autant Capcom SNK, il y avait juste 4 boutons. Fait que là, okay. Les fans de Capcom ont capoté. Ils ont dit, c'est quoi ça, 4 boutons? J'étais habitué avec ça. Les fans de SNK étaient là, ouais, nous autres, on aime ça. Exact. Exact. Tu vois, moi, j'ai eu la même réaction avec Street Fighter versus Tekken. Tu sais, urk, je peux pas, je suis pas capable de jouer à ça. Tu sais, Tekken. Boutons, moi, ça. Fait que là, après, dans Capcom SNK 2, là, ils ont mis 6 boutons. Okay. Là, ils ont rajouté des moves, mais. Écoute, moi j'ai adoré là, cette série. Oh, c'est Eagle 2 là. Yes. Ouais, c'est lui qu'on parle tantôt. Eagle, Eagle, là. Avec ses petits bâtons. Là, regarde-les, là. Il y a un petit foulard dans le cou. Ah, il y a de la il classe. Est comme thème. Là, ouais, comme exact, toi. Là. Le débardeur est pas loin. En plus, ses moves, là, si tu regardes. Il reste dans le ouais, c'est ça. Ouais, si t'achetais les costumes pack, il y avait un débardeur. Ouais. Dans le temps, c'était. DLC débardeur. Il y avait introduit toutes sortes de systèmes. Il y avait le S-Groove. Tu avais le système traditionnel qui était un peu plus comme Alpha. Tu avais le mode Samurai Showdown où quand tu prends du dommage, tu build up un Berserk, combo. Là, ouais, c'est ça. Ouais. Fait que tu sais, honnêtement, là, ça c'est Capcom SNK 2. Là, il est disponible. Vous pouvez l'acheter la version PS2 sur PS3. Okay. Je dis, si vous avez jamais joué à ce jeu-là, là, investissez comme 8$. Ouais. Allez-y. Là, super beau jeu de combat, bien balancé. Moi, j'ai adoré là, cette série-là. Dans toutes ces espèces de jeux weird de spin-off, là, une couple d'affaires, peut-être qu'on peut, on peut revenir à Street Fighter. À un moment donné, après plusieurs années de tout ce qu'on vous a montré de versus toutes ouais. sortes d'affaires, ils ont décidé de faire Street Fighter 4. Puis oui. ça, ouais. là, c'était pour le Xbox 360, PS3. On a Ultra Street Fighter 4. Ouais. Ça, c'est... bon, il y avait un petit peu d'histoire au début. Là. Ça, là. ouais, hein? C'est une autre évolution, une autre coche. C'est premièrement, tu sais, il y avait eu des épisodes qu'on reparlera plus tard de Street Fighter en 3D. Ouais. On va y revenir, mais ça, c'était vraiment... C'était un long shot, là. On dit, bon, on ramène Street Fighter, puis j'avais assisté à la présentation de M. Ono, là, qui était producteur de cette... Ouais. De ce jeu-là. J'avais été chanceux, j'étais au JDC, là, la convention de jeux San Francisco. Puis lui, ce qu'il disait, c'est qu'il veut rappeler les souvenirs qu'on avait de Street Fighter 2. Fait que la base, c'était Street Fighter 2. Puis il dit, ben, on va le moderniser. Fait que là, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont rajouté un système qui est les Focus Attack, que tu peux comme absorber un hit, puis ensuite en redonner un, mais tu prends du dommage, mais si t'attends dans le temps, ça va revenir. Okay. Ça, ça a ouvert la porte. Tu peux canceller ça pour faire des attaques à toutes sortes de beaux combos, là, vraiment de la profondeur du jeu. Ils ont aussi introduit les ultras. Le ultra, là, c'est très, très en ligne avec ce qu'on vient de discuter de Samurai Showdown. Mm-hmm. Quand tu prends du dommage, ton meter d'ultra, il construit. Puis, dans le fond, ce qu'on a, c'est aussi le combo super de Street Fighter normal où, juste en faisant les super moves, il va grandir tout seul. Okay. Hey, puis ça, comment ça marchait? Moi, j'ai déjà joué une game contre toi. Je me suis fait ravager en quelques secondes. T'avais un espèce de gros bonhomme qui s'enduit d'huile au départ. Ouais. Ça, c'est... Lui, il a été ajouté dans Super Street Fighter 4. Okay. Puis, moi, il était écœurant. C'est un Turc qui fait de... C'est vraiment un... C'est une tradition en Turquie de s'enduire d'huile en bédaine puis de lutter. Là, Street Fighter a décidé de faire un personnage pour honorer ses combattants turcs. Puis à Cannes. Puis ouais, c'est ça. Fait que là, lui, dans le fond, il gagne de la force en se huilant. T'sais. Fait que faut tout le temps que constamment tu te huiles. C'est ça. C'est un move, ce huiler. C'est ça, c'est un move, ce huiler. C'est un move, mais il donne plus de propriété. Fait que dans le fond, toute seule affaire, tu peux faire. Puis c'est un gros troll. C'est juste le fun de jouer avec lui parce que tous ses moves sont niaiseux. Ses ultras, il pogne le gars, il te squeeze entre ses jambes, puis il t'expulse au bout de l'écran. En tout cas, c'est vraiment des beaux personnages. Ah oui. Cette version-là est disponible sur Steam. C'est le jeu parfait pour aller te faire péter en ligne contre des Asiatiques de 12 ans. Là. C'est effrayant. C'est impossible de jouer en ligne à ça. Ouais, c'est les monstres sont très forts. Là. Le problème, c'est que ça fait quelques années que Street Fighter 4 est sorti. Puis là, il y a plusieurs itérations. Il y a du monde qui joue depuis la sortie. Moi, on l'a laissé passer en pensant que personne s'en rendrait compte. Ils ont rajouté une couple de nouveaux personnages. Abel, qui est comme un Français amnésique, qui est comme un mélange de joueurs de rugby puis de judoka. Tu sais, t'as El Fuerte, qui est comme un luchador qui court partout. T'sais. Probablement ton personnage que tu aurais bien joué là-dessus, le GF. Il y a une espèce de gros bedonnant là, avec une couette blonde sur la tête. Là. On y voit la bedaine... Sa chemise à ouvre quasiment. Là, Rufus. Rufus. Rufus est incroyable. T'sais. Rufus, c'est un. Imaginez un obèse rapide. T'sais, il est rapide avec ses mains, il crie puis il se prend super au sérieux. C'est un moteur obèse. Lui est introduit aussi là-dedans. Il y a vraiment un paquet de personnages qui ont introduit, mais ils ont ramené plein de classiques, incluant des gens de Street Fighter 2, des gens de Street Fighter Alpha. T'sais, Cody est revenu là-dedans avec Dudley. Ouais. J'étais content. Ibuki. Ils ont introduit aussi Gouken, qui était le maître à Kenny Ryu, que finalement, tout le monde se disait, ce gars-là, il était mythique. Là. Ouais. Puis je sais pas si vous avez entendu parler, dans le fond, de EGM, l'April Fool, là, classique de l'époque. Shenlong. Ah! Ça, EGM avait fait une joke vraiment pas cool dans le temps. Il avait dit, c'était le numéro d'avril, que, tu sais, dans le fond, quand tu faisait battre contre Ryu, ça disait. C'est comme You need to defeat Shenlong to stand a chance. Puis là, eux, ils ont pris cette ligne-là, puis ils ont dit hey, Shenlong, c'est un personnage caché dans le jeu. Puis c'est comme, dans le fond, il y avait une couette. T'sais, il y avait des longs cheveux blancs avec une couette, puis il y avait une espèce de karatégi noir, pas de manche, tu sais. Puis c'était impossible, il n'existe pas Shenlong, OK. Mais ça, Capcom a utilisé Shenlong pour créer Akuma. Puis ensuite, Gouken a été un peu spawné là, de tout ça. Là. Fait que, parce que Shenlong était supposé être le maître à Ken et Ryu. Okay. Fait que ça, c'est vraiment intéressant. C'est que c'est sorti d'une joke de EGM dans le temps, puis c'est devenu des personnages. Mais Gouken était finalement disponible pour jouer. Okay. Puis, ce jeu-là, là, finalement, encore une fois, Capcom nous a comme trait la vache au maximum. Ils sont arrivés avec Street Fighter 4, Super Street Fighter 4. Ensuite, Super Street Fighter 4 Arcade Edition et finalement Ultra Street Fighter 4. Et là, ils vont leur sortir au PS4. Ouais. Pour préparer. C'est que ça finit plus, là, de pour préparer sortir, Street ce Fighter jeu. 5 qui s'en vient, tu sais. Oh. Éventuellement. Fait que ça, c'est quelque chose que j'attends. Ça va sortir en 2015, qu'ils disent. L'attends-tu plus que Mortal Kombat X? Oui, beaucoup plus. Moi, je suis un fan de Street Fighter. Bien que là, je suis en train de jouer à Mortal Kombat. X qui est excellent. Selon moi, je vais faire la critique là, bientôt là, du jeu. Mm-hmm. Mais c'est un très, très beau titre. Puis, mais moi, c'est Street Fighter, ma série. C'est un bon produit. Ouais. Okay. C'est un beau produit, honnêtement. J'aime ça quand il dit ça. Fait que, grosso modo... ton top 5? Un dernier truc, je voudrais qu'on regarde Super Gem Fighter Mini Mix, OK? Ah. Ça, c'est vraiment le fun. Là. À un moment donné, il y avait un jeu de puzzle... Street Fighter puzzle. Ouais. Toujours en vente chez Papa Cassette en passant d'ailleurs. Honnêtement, PlayStation 1. Hein. C'est excellent. Je sais pas ce que vous faites à pas m'acheter ça. Ouais. Là, vous dormez au gaz. C'est un jeu de puzzle, puis là-dedans, il y avait les personnages Street Fighter. Ah non, moi, c'est pas ça. Fighter. C'est ça. Moi, c'est un genre de jeu de Tetris. Là. Exact. Mais ça, c'était le premier jeu, Super Puzzle Fighter. Ouais. Les personnages étaient tellement cute que Capcom a dit hey, on va faire un jeu de combat avec ces personnages-là. Exact. Fait que là, c'est ce que vous voyez à l'écran, Super Gem Fighter Mini Mix, qui est un truc complètement fou. Vous avez vu Akuma, il sort une poutre pour frapper. Chun-Li, elle devient une bonne pour faire les tics. C'est ultra le fun. Là-dedans, il y a aussi des personnages de Darkstalker. C'est super le fun. T'sais, vraiment, là, t'sais, il y a un système où tu dois ramasser des gems par terre. T'sais. Fait que si vous n'avez jamais joué à ça, essayez de trouver ce titre-là vraiment bien. Et le jeu de puzzle que Papa Cassette a mentionné, là, c'est un spin-off. Si vous aimez les jeux de puzzle de, en versus, là, ouais. Un excellent jeu à jouer à deux, là, honnêtement. Là. Exact. Mais là, t'as pas parlé de Street Fighter, de Movie, de Game? Ouais, j'ai pas mis d'image de ça parce que. Oh, je l'ai, on en a. Oui, on en okay, a! On en a, c'est vrai! The Movie, the Game. Ok, oh ça, là, c'est God. Genre. Ça, c'était flagrant. Là. Dans le temps que Mortal Kombat faisait mal à Street Fighter en arcade. Eh oui. Puis là, il y a eu le fameux film avec Jean-Claude Van Damme qu'on a salué dans un dernier épisode. Et ils ont fait un jeu de ça, tu sais. Puis ce jeu-là. En vente chez Papa Cassette. Ouais. Mais la version de console qui était Saturn et. PS1. 3DO, sûrement. Ouais, je sais pas, peut-être. PS1, je pense pas. Mais en tout cas, mais je sais que c'est Saturn. Ça, c'est Saturn. J'allais au Saturn, moi, ici. Puis la version d'arcade, c'est pas la même. Le monde, il l'achète juste pour le LOL, là, tu sais. Ouais, mais. C'est la crise de merde. Bien que ce soit deux jeux absolument atroces, la version d'arcade est supérieure. Puis là-dedans, il y a des personnages pas rapport, comme vous voyez, tu sais. Oh, Ken, il est gainé, mon gars. Ah, c'est ça, tu sais. Je veux dire, c'est Ken du faible, tu sais. Il a l'air faible, mais il est, tu sais. Moi, j'ai joué à une version d'arcade, je me rappelle très bien, une des révisions où Ryu avait un combo infini de l'eau Shoryuken. Puis je me rappelle très bien là, que le dos d'à côté de moi à l'arcade me dit hey, tu vas-tu arrêter là? Parce que tu peux juggler le gars de façon infinie. Ils ont fait des révisions, ils ont corrigé ça. Mais regardez ça. C'est pas beau. Non, mais hey, c'est magnifique. Grande. Ils ont l'air vrais, les bonhommes. Ah, ouais, ouais. C'est comme Pet Fighter. Ah, exactement. Ça, exact. Fait que ça, c'était pour attaquer le marché de Mortal Kombat avec du vrai monde. Moi, je vous conseille vraiment de l'essayer parce que comme ça a été mentionné, c'est pour le LOL. Là, ouais, non, mais c'est pas un bon jeu, là, mais il faut que vous l'essayiez. T'sais. Là-dedans, il y avait Akuma aussi. Il y a comme y a une version de Zangief maigrichonne. Ah ouais, Zangief. Ah ouais. Y a non, des mais c'est pas tous les jours que tu peux être Van Damme dans non, un jeu. Non. Puis il y a un personnage inconnu qui est même pas dans le film qui s'appelle Blade. Genre. C'est un genre d'espèce de ninja rouge qui ressemble à un des ninjas de... ou des robots plus. Ça ressemble vraiment à, on pourrait dire, Cyrax, tu sais. Ouais, okay. Tu sais, comme, c'était vraiment un drôle de personnage. Regardez Sagat. Ben ouais. Aucune crédibilité. Tu regardes ben ça? Non, on dirait que c'est Samuel Jackson. Toi, t'es ouais, c'est ça, tu sais. Ça aurait été meilleur, ça aurait été Samuel Jackson, je pense. Ah, c'est ça, tu sais, au moins. Motherfucker! Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça, au lieu de faire un Tiger Shot. C'est ça. Fait que, en tout cas, mais ça, c'est pour le LOL. Hell no! Un autre petit truc à regarder vraiment rapidement. Street Fighter EX 3. Ça, ça a été la première aventure 3D. De Street Fighter qui EX a été donné. 3. Ouais. Ben, c'est quoi série EX plus A au PlayStation 1 que je version, possède? Ben, c'est une version avec des ajouts de la version d'arcade qui était juste EX. Plus A, c'est plus Alpha? Plus Alpha, dans le fond. Ouais. C'est juste qu'ils ont rajouté des personnages puis ils ont rajouté quelques moves. Mais dans le fond, c'était en partenariat avec une compagnie qui s'appelle Arika. Qui là-dedans aussi comprenait des gens qui ont travaillé sur le Street Fighter 2 original. Okay. Puis ils ont décidé de faire le Street Fighter en 3D. C'était pas encore vraiment perfectionné à l'époque, le 3D. Fait que vous voyez le look. Le look est pas incroyable. Ouais. Ce que ce jeu-là a introduit, tu sais, il a introduit les Alpha, les EX. Oh! Ouais. Ben, ouais, ça, moi, je reviens sur ta décision de dire que ça n'est pas incroyable. C'est magnifique, ça. Un punch de l'espace. Okay, c'était un punch de l'espace. Ouais, les grands moves étaient spectaculaires. Ouais. Le gameplay de ça, c'est un petit peu... Pauvre dans les Sims, chunky, tu sais. Je sais pas comment dire ça, là. Il y avait des affaires. Ça n'a pas l'air évident. Ouais, mais jouer. C'est en ce temps-là, man. La mais c'est pas un peu là, point, en là, 3D, là. Ouais, c'est tellement compliqué. Il était pas peaufiné. Non. Mais un, c'était un 2D. C'était pas un vraiment... Ah oui? C'était pas comme Virtua Fighter, admettons. Non, c'est ça, t'avais pas... Mais ça, c'est comme 2D, mais que tu peux tourner autour des ouais, personnages. Ouais, c'est ça. Puis moi, un des meilleurs jeux comme de combat un strap, ben, de Tekken, toute ma vie. Fait. Ouais, Tekken, puis aussi Star Gladiator, également de Capcom, qui est un rip-off de Star Wars, dans le fond, avec des armes au plasma, c'est des personnages armés. Ouais. Man, ce jeu-là, PlayStation 1, là, c'est bon, là, c'est malade. Puis moi, j'ai Plus A aussi au PlayStation 1, puis ils n'ont comme jamais réussi à faire ça. Ils sont trop allés en 3D, tu sais. Mais c'est ça, mais le 3D n'était pas encore à point, tu sais. Ouais. Ça faisait des résultats. C'était le fun pour l'époque. Ça a mal vieilli, ces jeux-là, tu sais. C'est malheureux, là. Puis peut-être, finalement, on a comme... un petit top spécial là, qu'on avait préparé, tu sais. Puis là, je suis sûr que vous attendez, il va dire les tops des 5 meilleurs jeux Street Fighter. C'est pas ça qu'on va faire. On va faire quelque chose d'un petit peu plus amusant. On va faire le top 5 des plus bizarres combattants de Street Fighter. Oh yeah! Parce qu'il y en a des bizarres, tu sais. Ah oui. Fait que, on va commencer par le numéro 5, en fait, qui est le freak original de Street Fighter, on pourrait dire. Dalsim. Dalsim, qui est le tout qui s'étire. Tu sais, c'est le yoga master qui fait juste s'étirer. Tu sais. C'est désagréable à jouer contre un Dalsim qui est vraiment bon. Tu sais. Hey, moi, je traîne beaucoup avec Dalsim dans mes soirées présentement. Je te dirais que je passe la volée à bien du monde qui sont pas habitués. C'est un très bon personnage, mais tu sais, ce gars-là, regardez. Mais ça te fâche perdre contre Dalsim. Ah ouais. Ouais. Parce que c'est comme si il t'agace, il t'accroche à 3 mètres. Mais en plus, loin, quand il fait ses lots, c'est juste comme des petits pots. Ouais. Non, on s'entend que, regardez ce personnage-là, non seulement il s'étire, on dirait qu'il y a des crânes d'enfants dans le cou. Ouais. C'est des squelettes d'enfants. C'est épouvantable. Ouais, il est malsain, mais pourtant, c'est. On connaît le personnage d'Alcim, c'est un homme calme. Ouais. Il fait de la méditation. Ouais. Et tout. Mais là, tu le regardes, non seulement il s'étire, il est bizarre, des crânes d'enfants, il est habillé avec un léger. Il y a un gars d'une tribu de cannibales éloigné. C'est pas clair. Moi, je l'aime bien. C'est un excellent personnage, mais pour moi, il est quand même dans le top 5 des plus bizarres combattants là, de Street Fighter. Ben, surtout sa danse de joie quand il gagne au deuxième. Ouais, ça a du sens, ça fait là. Ouais. Et sa femme, Adasim, est une très jolie femme. Si vous voyez, si on joue dans Street Fighter Alpha 2, okay. Quand Adasim gagne, tu vois sa femme qui est genre une jeune femme de 20 ans qui saute de joie. Voir ça, fait que ça paye d'avoir des membres extensibles. Et c'est ça, exactement. Fait que ensuite, numéro 4 dans mon top, j'ai mis 12. Si vous vous souvenez, 12 a été ajouté. C'est de lui que je parlais tantôt, là. Ouais. Wow. 12 a été ajouté. Ok, ben moi je pensais que tu parlais de Nero. 12 a été ajouté dans Street Fighter Alpha 3, Third Strike. Okay. Et ce personnage-là, dans le fond, c'est le Chansung de Street Fighter. Il prend la forme de son opposant. Mais par lui-même, regardez c'est quoi? Une espèce d'humanoïde blanc, qui. On sait pas trop c'est quoi. On a besoin de manger des céréales. D'une expérience russe. Ouais, c'est ça, je pense. Puis, tu sais, il y a des mains piquantes, tu sais. Il s'étire, il fait des affaires, il rentre ses mains dans la tête, il sort des pics. Ouais, tu sais. Puis, il fait tout ça, il vole comme un pas la touche. OK. Il est un écureuil volant, tu sais. Je veux dire, il croit que t'es plus bizarre dans un jeu de combat. Tu dis, OK, je regarde un pas la touche voler. Hop, on va faire un combattant. Ouais, exact. Là, j'ai dit, il y a quelque chose de malsain à propos de lui. Puis, son ultime truc cool, c'est qu'il copie l'autre. Fait que, tu sais, au pire, t'es égal à l'autre. Ah oui. C'est pas vraiment le personnage de choix, là, je pourrais dire. La seule affaire qui était le fun en arcade, c'est que lui, il pouvait se transformer en Jill, qui était le personnage de la fin, qui était pas jouable autrement. Fait que c'est la seule affaire cool que vraiment ce personnage avait. Ouais. Numéro 3. Moi, je vais mettre. On parle de freak russe, et on a parlé de Dalsim. C'est un genre de mélange entre les deux. C'est Nero. Ouais, Necro. Ouais. C'est ce gars-là, il a des bras qui s'étirent, il a des membres qui bougent bizarres, il est blanc, il a pas de chandail, il est en bédaine, il a comme des tatous bizarres. Il est russe, c'est lui aussi, c'est ça, il est russe. Hein? Il y a comme des drôles de design dans le visage. Fait que c'est vraiment, on dirait que c'est comme une version 2.0 de Dalsim, en fait. Mais il était très bizarre. Puis tu sais, quand il gagnait, il y avait une animation qui faisait comme un chant d'opéra, tu sais. Fait que c'était vraiment une drôle d'affaire, on pourrait dire. Une drôle de bébite, ce Necro, et qui était aussi... lui aussi, il avait un genre de jeune fille qui ressemble à Frankenstein féminin mineur. Il y a quelque chose de louche dans ce personnage-là. Là, et quand même, c'est un gars qui fait de l'électricité. En tout cas, regardez son look, il est juste vraiment trop bizarre. T'sais. On passe au numéro 2, qui lui vient de Street Fighter EX, qu'on a parlé tout à l'heure. Ouais. Skullomania. Skullomania, je m'en rappelle. Ouais, ben c'est ça. Donc, prononcez-le comme vous voulez. Ce personnage-là, ça reste que. Il y a un saut serré. C'est comme un gros léotard serré. C'est un saut de squelette. De squelette. Et là, il y a dans certaines versions de Street Fighter X, il y a un foulard et des bottes. Puis, il se promène, tu sais, puis il fait comme se pitcher partout avec son corps, tu sais. Il est vraiment étrange. Regardez-le, là, tu dis, il est malsain. Il y a quelque chose de bizarre dans ce personnage. Vous voulez jamais être dans un party avec Skullomania. Il est creepy. Bon, il va pas à face. C'est quand même un gros squelette. Non, c'est ça. Lui est inspiré par un personnage, en fait, de vieille série, genre à la Ultraman japonaise. OK. Fait que ça, je me rappelle pas du nom live, là, mais c'est vraiment quelque chose qui est inspiré d'un autre personnage japonais dans la culture. Et ce personnage-là, les droits d'auteur appartiennent à Arika, en fait. C'est pas Capcom qui le possède, parce qu'il a été créé par Arika pour le Street Fighter EX. OK. Au numéro 1... Lui, tu disais que c'était un genre de dude, un average dude, là, qui se prend pour un super-héros. Exact. Qui va combattre. Ouais, son histoire, c'est ça. C'est vraiment un gars normal qui veut se prendre pour un super-héros. Ben, surtout Scolomania, c'est-tu le nom le plus stupide? Ben, c'est comme Skull pour Squelette. Ouais, il y a le même suit que le lutteur qui s'appelle Laparca dans le temps, pour ceux qui se souviennent de la WCW. Vous savez de quoi je parle, là? Oh là là. Un gars qui était bien en suit de squelette avec un masque de squelette. Exactement comme ça, il n'y avait juste pas de S dans le front, là. OK, ben, il y a peut-être... Peut-être que l'inspiration se croise là-dedans, là. Faudrait faire des recherches. Ouais. Fait que... Numéro 1. Tu m'avais... Ouais. Parlé de Q. Ouais. Q, qu'on n'a pas l'image, mais Q qui est aussi un personnage très étrange. En fait, c'était mon numéro 6. OK. Q est un dude qui a un masque de fer, un long imperméable et des gants blancs. Puis il est très, très grand. Très, très grand. Ouais. Il y a un trench coat là, beige. Là. Il a l'air d'un violeur. Là. Il a l'air d'un exhibitionniste, en effet. Oui. Mais il a des gants blancs et un masque de fer. Exact. Ça n'a aucun sens. Ouais. Mais lui aussi, il vient d'une série japonaise... qui était comme un robot détective de l'époque. Oui, c'est ça. Ils sont inspirés de ça. Mais il est là. Il est dans Third Strike en passant, lui. Oui, exact. Puis il a l'air tellement d'un exhibitionniste. Bruno nous montre ça à l'écran. Fait que c'est exact. Il y a une face de Mega Man, d'Ultraman avec un imperméable. Ce gars-là, tu sais jamais quand il va te flasher. Il était bizarre, mais. Tu sais, l'autre liste, j'ai trouvé qu'il y avait tout des affaires particulières. Mais attends, une fois, Bruno, il y a longtemps, on a fait un top des personnages weird. À Rétro Nouveau, je sais pas quoi, puis je l'avais mis. Puis j'avais lu dans le temps sur Wiki ou whatever que dans l'histoire de Q, il n'y a pas d'histoire Q, tu sais. Genre, c'est ça qui le rend encore plus weird, mais qu'il aurait été vu dans tous les cataclysmes importants qu'il y a eu sur la Terre, là. Ah, genre, oui. Quand fucking plaque tectonique. Non, pas ça, là, mais c'est pas moi. Un volcan saute, puis tout le monde meurt. Q était pas loin, tu sais. Ah ouais. Des affaires de même. Puis aussi, dans le niveau de Ken, sur le bateau en arrière, ouais. Q, il est là. Ouais. Avec son chapeau et son masque de fer, il est sur le bateau. Ça, c'est comme fuck. Ouais, ouais. Il est creepy. J'ai peur de sortir dehors et de voir Q tantôt. Quoi. Ah, c'est clair, là. C'est une très belle. Ouais, dans Q, le bateau de Ken, là, il est bizarre. Ça va, ouais, c'est ça. Il est comme c'est un sneaky. Puis en effet, avec son imperméable, tu sais jamais ce qui va sortir de là. Exact. Donc, ouais, il y avait. Ouais, digne de mention, définitivement. Le numéro 1, en fait, moi, j'ai, on en a parlé un petit peu tout à l'heure, Sodom. Premièrement, juste son nom, tu dis. Ouais, tu ça. Tu sais que ça vient, cette affaire-là. Mais en fait, l'histoire de ben des personnages, lui, il vient de Final Fight. Okay. Dans Final Fight, dans une des personnes de game designer qui a nommé les personnages, c'était quelqu'un qui tripait sur le heavy metal. Puis apparemment, il y a un band suédois de heavy metal qui s'appelle Sodom. Mais Sodom, ça existe, oui. Fait que lui est inspiré, c'est ça, là devient son nom. D'ailleurs, Axel, tu sais, dans Final Fight, vient d'Axel Rose. Puis il y a Slash, tu sais, comme aussi, tu sais. Fait que ces personnages-là viennent tous d'une fan japonaise de metal qui a participé à tout ça. Mais là, Sodom, regardez-les, on en a parlé un petit peu tantôt. Là. Le gars, c'est un trucker américain. Ça, mais là, il a tellement pas l'air. Mais non, il y a des épaulettes de football, mais il y a aussi le masque genre d'un samouraï japonais. Il y a des serres. Tu sais, il porte des jeans vraiment trop serrés, puis des sandales japonaises. Avec des bas. Avec des bas, mais ça, c'est le look traditionnel japonais. Mais c'est un trucker. Voulez-vous vraiment embarquer sur le pouce avec ce gars-là? Tellement pas. Non. On veut jamais. On veut jamais. Je savais pas que c'était un trucker. Par exemple, je comprenais juste pas ce que c'était exactement. Ouais. Là, parce dans Street Fighter Alpha 2, si je ne me trompe, son tableau, c'est des vieux trucks. C'est comme des trucks japonais pimpés. OK, OK. C'est vraiment j'ai spécial. Jamais compris que c'était un trucker. Moi, je pensais vraiment que c'était un gros japonais violent. Un... Là. Non, mais en fait, c'est ça. Là. C'est un gars qui s'habille de même là, pour son fun. En fait, c'est ça. C'est le seul cosplayer dans Street Fighter. Oui, avec Scoulomania possiblement. Ouais, Scoulomania aussi, c'est vrai. Mais tu sais, c'est tout du monde bizarre. Ces gars-là, tu ne veux pas être dans Ruelle pour te battre contre eux autres. Non. T'es pas sûr de ce qui va arriver vraiment. Là. Non. Je dirais, tu sais, j'ai aussi pas parlé de Jill qui aurait pu faire la liste qui est moitié bleu, moitié rouge, moitié feu, moitié. Avec le yin-yang qui spin dans le ventre. Non, ça c'est. Toi, tu parles de Seth en fait. Là. Ah, Seth. Je parlais de Jill de Street Fighter 3. Il est en G-string quand même. Oui, c'est vrai. Avec son frère Urien. fait que c'est. On aurait peut-être dû faire un top 10, là, mais on voulait pas prendre trop de temps c'est là-dessus. C'est le pire nom ever. Urien. C'est un bon personnage. Salut, moi, c'est Urien. On vient t'aider avec ton devenir. Urien. Il est chépé en plus. Ah ouais. Il est bronzé puis tout. Shit. Il est beau. Moi, sinon, Vega, je l'ai toujours trouvé extrêmement louche. Je l'aime bien, moi, Vega. Je l'aime bien, moi aussi. Mais. Ouais, mais tu sais, il est imbu de lui-même, il met un masque pour pas se maganer oui! en face, puis il lèche le sang sur ses exact. Griffes. T'sais. Moi, je me rappellerai toujours de sa réplique là, qui m'a toujours. Là, ça met un inconfort. Thank you for a gorgeous time. Ouais. Tu sais, genre, je vais se battre avec toi, tu sais. Ouais, c'est ça. C'est un roman, tu sais. Il n'y a pas de faire une date, là, tu sais. Ah, mais moi, je pense que c'est au-delà d'être gay ou hétéro. Là, j'ai l'impression que Vega, c'est au-delà de ça. Là. Il voit de la romance partout, dans mort, dans vie. Il aime tout. Couche avec tout. Un ami sexuel. Couche avec n'importe quoi. Mais dans l'anime, il y avait une fixation sur Chun-Li. Fait que, ah ouais. Moi, c'est légitime ou pas. Là, mais... Ouais. Tout le monde a une fixation sur Chun-Li. Oui, c'est ça. C'est ça. Chun-Li. En effet. Y'a que ça! Elle était 40. Superbe. Donc, ben là, ça conclut un peu le top. Là, dans le fond, moi, je dirais Street Fighter V, ça s'en vient. Ouais. 2016. Il dit 2016, d'après moi, puis c'est PlayStation 4 exclusif. Ouais. Oh! Fait que, une grosse affaire. Mais si je me trompe pas, Adam Boys de Sony faisait partie de Capcom avant. Oui. C'était une partie importante de Capcom. Je pense qu'il faisait partie de Capcom Europe, en fait. C'est ça. Ouais. Puis c'est ce qui fait qu'il y aurait eu quand même de la facilité à amener ce deal-là à voir le jour. Fait que. Ouais. Coudonc. Ils ont le vent dans les voiles. Ouais, ouais. Fait que. Good. Ben excellent, ouais. Ça. Nice. Ouais, merci pour toutes ces informations. Hey, ben merci. C'est très intéressant. Merci à vous. Crime. On apprend plein d'affaires. Mais toujours, hein, toujours. On apprend plein d'affaires à Rétro Nouveau. Fait que. C'est ainsi que se termine le 20e épisode. Exact. Mm-hmm. On va se coucher. Oui. Ouais. Fatigué. Jeff, il travaille fort. Il y a bien de l'ouvrage. Ça achève. Ouais, c'est ça. Après ça, je reviens sur le site de Rétro Nouveau pour travailler là-dessus. Là. Ça avance tranquillement, mais ça avance. C'est bien bon. Vous avez vu les avancements, ça va être grandiose quand ça va sortir, ça. Ouais. Epicness par-dessus. Epicness, toujours. Du crémage des couches, sous ton crémage. Oui, c'est ça. Des fondations de béton avec du crémage. Fait que suivez retronouveau.ca pour plein de posts et d'articles qui sortent très régulièrement. Les articles, des tops, des critiques, parce que les critiques, il y en a beaucoup sur le site aussi. Là. On en fait ici, mais il y en a sur le site avec. Puis même ceux-là qu'on fait ici, t'es ressort sur le site en plus. Oui, exactement. Fait que tout est là, tout est dans tout. Puis moi, je voulais dire aux gens qui essayent de nous rejoindre, de rentrer en contact avec nous autres, la meilleure façon reste toujours Twitter. Sur Twitter, on est rejoignable puis on répond vraiment immédiatement. On va toujours répondre à vos tweets. Puis si jamais c'est quelque chose de personnel ou whatever, vous pouvez nous envoyer ça en message privé sur notre Facebook ou tout simplement contacter avec nous via courriel à partir du site web. Sur la page principale, vous avez un endroit à droite où vous pouvez cliquer puis vous pouvez nous écrire un petit mot. Bien simple, sinon info@retronouveau.ca. Exactement. Fait que c'est ça, parce que dernièrement, j'ai regardé dans nos... on a reçu une tonne de messages sur Facebook. Puis évidemment, il y a certains de ces messages-là. Des fois, on n'a pas vraiment le... Ou il y en a un de nous qui le voit. Exact. Là, comme, il est comme... On parle le read. State. Ouais, ouais. Là, il faut aller le dire à l'autre. Tu checkeras, puis là, on oublie. C'est ça. En tout cas, ouais, c'est ça. Des fois, on peut oublier. Fait que, tu sais, parce que aujourd'hui, j'ai répondu à deux personnes qui nous avaient écrit en février. Ouais. On n'avait pas répondu. Oh boy. Exact. On fait que, on est désolé pour ces personnes-là, mais on répond à toutes, puis on tient vraiment à tous les bons messages que vous nous envoyez. On est super contents quand on reçoit des petits mots comme ça. Fait que, merci à tout le monde. Suivez-nous sur Rétro Nouveau, @RétroNouveau. C'est @Rétro_Nouveau. Et puis, c'est ça. On se voit dans deux semaines. Dans deux semaines. All right. Dans deux semaines pour un autre show. Yeah. Bye tout le monde. Ciao. Ciao.